KL, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr. Oh là là, j'ai trop hâte d'être à deux, mais on va kiffer à Cannes les gars pour les NMA là. Putain, je vais essayer de prendre une photo avec Beyoncé direct. Attends, on t'a pas dit Sandro là, mais on n'a pas été invité hein. Sinon, vous avez vu demain soir, il y a Patrick Sébastien qui présente le plus grand cabaret du monde sur France 2. Si Dr House devait écouter une seule émission de radio, j'aimerais que vous ayez de la mycodine, allez-vous-en. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Ce serait celle de Michael et sa bande de malades. Je veux mes pilules. Non. Michael. 21h minuit. Le remède le plus efficace à tous tes problèmes de santé mentale. Exactement, on est là comme tous les soirs entre 21h et minuit sur Énergie. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Ça va bien? En pleine forme. En pleine forme. Bon, bah tant mieux, ça fait plaisir. Bon, Jack toujours malade, donc Pedro toujours là pour pousser les boutons. Oui, salut, bonsoir. Oui, bonsoir, mais par contre il est malade aussi. Il est malade aussi, ouais. J'ai peur qu'il nous claque entre les doigts en plein milieu de l'émission. Donc il peut claquer tant qu'il me refile pas sa merde. Oui, oui, oui, mais à côté de ça, t'es à côté de lui, hein, donc faut faire attention quand même. Ouais, c'est pour ça. Quel connard, mais ça c'est sûr. Ouais. Il faut toujours qu'il se mette en mode EB. Dès qu'il est malade ou dès qu'il est relou, il faut toujours qu'il fasse ça. Enfin bon. Bon, ce soir, on a pas mal de choses déjà. L'expression du jour. Ah, qu'est-ce que c'est voilà. Aujourd'hui? Tu verras. Alors, j'aime pas quand tu dis tu verras. Mais c'est pas grave, c'est parfait, tu verras. Bon, on fera également un petit quiz people si jamais vous voulez vous inscrire pour celui-ci ou un autre. 612, débutez votre message par énergie et bien évidemment sur tout simplement la communauté mikl.fm. Venez vous inscrire sur le Twitter et sur le fanbook. Ça se passe donc sur mikl.fm rubrique la communauté. Sinon au niveau du son, on fera péter le son de Gossip tout à l'heure avec Heavy Cross. Il y aura Edouard Maya. On aura aussi le son de Junior Caldera. On aura Jay-Z, Alicia Keys également. On fera péter le son de Muse. Et puis voilà hein, si vous voulez choisir des trucs, tout ça, n'hésitez pas. On mettra aussi du son rock US un petit peu comme d'habitude. Tof qui nous a pas donné de nouvelles en revanche. Bah c'est pas grave, il nous donnera pas de nouvelles puisqu'il écoute autre chose. Ah voilà. Pardon, excuse-moi, oui tu voulais. Non, mais j'étais en train de découper un truc là. Je disais juste bonjour. Eh ben bonjour. Voilà. Bonjour. Il découpait un cadavre hein, quand il dit je découpe un truc. Hein. C'est oui, juste c'est la meuf d'hier, il me reste des bouts dans le coffre. Oh, ça m'étonnerait pas. Hein. Avec un bon petit Red Bull. Quand je dis des bouts, c'est des morceaux qui restent sur la capote. Oh et bon appétit, merde, on peut dire des trucs quand même. Ouais, ouais. Bon, on a pas faut se sortir le doigt du cul. Voilà, ce soir, bravo. Ouais, bah je me suis dit tant qu'à faire. Mikael, le podcast. Bon, on aura Huggy les faux tuyaux qui passera tout à l'heure, hein, un peu comme tous les vendredis. Alors Huggy les faux tuyaux, bah tout est dans le nom, hein. C'est Huggy qui a que des tuyaux pourris. Donc Huggy c'est son prénom. Il a une voix un peu improbable, mais bon, il a toujours voulu faire de la radio et donner du scoop. Donc voilà, on sait. Mais il en a jamais. On va lui faire plaisir. C'est un peu le Jean-Michel Fassou, quoi. Non, il a du scoop mais qui ne comprend jamais. Oui, voilà. Voilà, qui met à l'envers ou qui date de 1902. Ouais, c'est-à-dire qu'il a des bons informateurs, mais lui n'arrive pas à retranscrire. Voilà, c'est ça. Il nous a annoncé il y a un mois que Michael Jackson était mort. Quoi. Oui, exactement. Et pour lui, c'était un scoop. Ah bah pour lui, c'était un scoop, effectivement. On aura Gilles-Louis aussi pour le conseil intégration, bien évidemment. Pour savoir comment faut faire pour s'intégrer dans la France. J'ai vu tout à l'heure, j'ai vu la caravane de Maître Peters. Donc j'en déduis qu'il passera dire bonjour. Oh. Mais j'ai pas une nouvelle. Hein. Il m'a pas appelé, donc je sais pas si. Bah, l'appelle pas. Je sais pas. Et puis l'expression du jour où t'étais impatient avant David Guetta. C'était quoi? Enfin, c'est quoi? En tout cas, une chose est sûre, Sandro ne pourra pas jouer, malheureusement. Pourquoi ça? Si, elle peut jouer. Bah, pourquoi je jouerais pas? Si, elle a dit que c'était qu'elle avait une bite hier, elle a dit. Ah oui, se casser les couilles. Oh non. Mais si, effectivement, je ne pourrais pas jouer. Ça va... ça va faire mal. Mais non. Tu commences alors. Tu inaugures. Non, moi je peux pas. Je peux pas animer. Non, si t'as les mains libres, on a des micros sans fil. C'est pas le problème. C'est juste que je peux pas continuer à animer avec une voix comme ça toutes les soirées. Donc ça va faire mal. Mais pas forcément. Ça dépend comment c'est fait. Ça dépend. Bon, on écoute le répondeur aussi. Les messages que vous nous avez laissés depuis hier jusqu'à tout à l'heure. 01 40 71 3400. Écoutons ça. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Oui, allô, bonjour. La grand-mère de Toff. Et pour vous dire que je vous adore, Michou, ne partez pas surtout, hein. Surtout Toff, reste toujours aussi pervers. Fin du message. Message suivant. Hey, vous savez pourquoi Roux ne paye jamais les repas? Il a les bras courts, les poches profondes et trois oursins au fond de chacune. Allez, salut. Fin du message. Message suivant. Petit message personnel au Roux, s'il veut pas dire le prénom de sa mère, en fait, c'est parce que... sa mère c'est Rachida Dati et que le roux est l'enfant caché de Rachida Dati. Et maintenant c'est un petit message personnel à Micha. Micha, ça fait 3 semaines que j'ai gagné au répondeur et ça fait 3 semaines que j'attends mon cadeau. Alors bon, je trouve que 3 semaines ça fait quand même beaucoup pour un DVD, hein. Ouais, je sais pas ce que t'en penses. Allez, ciao. Fin du message. Faut le créer. Message suivant. Salut Michael, ça va? T'as pas remarqué, Obispo, il chante juste pour pas que la planète devienne comme son crâne. Mais c'est vrai, elle risque de disparaître comme l'humour d'Arthur ou la popularité de Sarko. Allez, paix à l'âme de Supermani qui a voulu éduquer un mec du 9-1. Allez, à plus Michael, dédicace à toute l'équipe. Fin des nouveaux messages. Voilà donc les messages que vous nous avez laissés au 01 40 71 3400. Rachida Dati m'avait fait marrer. C'était drôle. Allez Micha, Rachida Dati, on fait gagner celui qui avait laissé le message. Celui qui depuis 3 semaines attend son cadeau, je crois que c'est le même. Il s'en branle. Depuis 3 semaines il attend ton appel. 4 semaines. Quel idiot. Il a raison. On n'ira pas au-delà. Il a raison. Ouais, mais t'attendras pas plus de 4 semaines. Oui, je pense en tout cas. Michael, le podcast. Bon, il y a ça. Je sais qui c'est, je pense, hein, le roi de l'info people, Huggy les faux tuyaux. Ça va être dur, ça va être dur. Ça va être dur. Ah, ça va être très dur. Bon, allô Huggy. Allô Huggy. Allô Pedro. Allô Huggy. Allô. Je le savais. Ouais. Je le savais que c'était Huggy. Bon, comment ça va Huggy? Ben, salut Mickaël, ça va très bien. Je reviens de Los Angeles là. Ah bon? T'as été à Los Angeles? Ouais, enfin. La classe. C'est... En Roumanie. D'accord, ok. J'ai de l'info, j'ai du scoop et j'ai aussi une nouvelle coupe de cheveux. Ouais, mais ça, on s'en fout un petit peu, Huggy. Okay. Enfin bon, c'est pas grave. C'est quoi tes scoops? Oui, c'est vrai. Bon, alors, c'est quoi une fois que t'as un bon scoop dans le bon ordre. Et ouais, et surtout vrai. Enfin, quoi que tu me diras, on l'a pas vu. Hein. Ouais, en même temps, c'est à lui que c'est arrivé, c'est pour ça. Une coupe affreuse. T'as fait une coupe affreuse? Bah ça te va tellement non, bien. Non, une coupe afro. Ah, afro. Non, affreuse. Affreuse. Ah, affreuse, d'accord, ok. Ils m'ont raté. T'as été chez le même coiffeur que chez Sandro? Non, moi je suis allé chez Jean-Louis Darid. Ouais, d'accord, on a compris. Mais je suis en Roumanie, hein, les gars. Bon, Huggy, c'est quoi tes scoops? Bah, Huggy, il est faux tuyau, fait du bon boulot, il a de l'info pour ses potos. Ah, oh, putain. Bien, tu commences bien. Ah, c'est nul, c'est si, nul. Si, c'est bien. Bon, alors j'ai quoi? La grosse actue du moment. Ouais. Ben en fait c'est que Michael Jackson il est mort. Oui non mais ça tu te fous de la gueule, tu nous l'as dit. Moi j'en ai même pleuré. Ben il est mort en juin 2009 Jackson, Guy tu nous as fait la même il y a je sais pas combien de temps là. Ouais moi aussi ça m'a fait le même effet, j'ai refusé d'y croire. Non mais il est bon, ouais, un autre truc les gars, vous inquiétez pas, Johnny va mieux, j'ai été boire un verre avec lui, il va pas mourir. Oui enfin c'est pas un scoop ça Guy, bon t'as autre chose? Oh ben les gars, je vous donne des scoops comme ça, vous les jetez en l'air, faut savoir. Hein. Non mais c'est pas ça, mais c'est des vieux scoops que tu nous donnes. Ouais, Guy. J'ai un nouveau truc. Bon quoi? Il y a Michel Tussaud qui a serré les pompes d'Obama en plein Londres. Oh là là, c'est Michel Obama qui arrive chez Madame Tussaud, c'est un musée londonien où il y a des statues de cire de personnes célèbres, Guy, putain. C'est ce que j'ai dit, pourquoi tu m'embêtes? Oui, oui, d'accord, ok, très bien. Bon, alors, sinon, j'ai autre chose, Quoi? Il y a Jared qui a mis son veto, il a passé toute sa jeunesse en se lavant au Tahiti douche. Non mais t'es complètement con quoi là, c'est pas possible ouais, Guy. Si, c'est Jared Leto qui dit qu'il avait grandi en Haïti et qu'il a des bons souvenirs là-bas. Et rien à voir avec Tahiti douche. Ouais, enfin tu joues sur les mots. Ah bah oui, ouais, ça, non mais ça va être moi là. Pas bon, toi. Alors quoi d'autre? J'ai une dernière news sur Haïti. Ouais, vas-y. Il y a Bob Marley qui a fait du riz au lait pour offrir aux Tahitiens. Non mais il est complètement con. Non. Quoi, non, il est Huggy. Non mais c'est pas ça l'info. Rihanna a repris une chanson de Bob Marley, c'est Redemption ouais, Song. Oh là là, la reprise a été mise en vente sur iTunes pendant 2 jours pour récolter des fonds pour les victimes du tremblement de terre en Haïti. Bon, sinon t'as des vraies infos, Huggy, parce que là, ça sert à rien. Tu les lis à l'envers, tes infos. Oui, hein. Mais c'est ça, même à l'envers, ouais, je crois que ce serait mieux. C'est vous qui interprétez comme vous voulez. Bon, t'as autre chose ou on arrête là? Ah ouais, j'ai un truc trop triste. Bon, allez, vas-y. Oh, j'ai un truc, ça vous rend pas bien. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, quoi? Il y a Zidane qui va arrêter sa carrière dans le foot. Ah mais ouais, bah ouais, bah rigole bien, mais comment on va faire à la Coupe du Monde hein, en 2010 en Afrique du Nord? Non mais t'as pété un câble ou quoi, c'est pas possible. Zidane il a arrêté sa carrière en 2006, ça fait 4 ans, et la Coupe du Monde de foot ça va pas se passer en Afrique du Nord, ça va se passer en Afrique du Sud. Ouais, enfin, Sud-Nord, ça reste l'Afrique quoi. Hein. Ouais, non, ça ouais, on est d'accord, c'est l'Afrique, mais quand même. C'est en plus ouais, c'est tout petit comme continent. Mais t'avais qu'à pas préciser, t'aurais dit en Afrique, on aurait rien dit. Ouais, bon j'ai un truc signé. Bon alors qu'est-ce que t'as d'autre? Il y a Johnny Depp qui va tourner dans Pirates des Caraïbes. Et ça mon pote, je suis le seul à avoir l'info. Oui, en même temps, c'est normal, hein. Johnny Depp qui va jouer dans Pirates des Caraïbes. Tu trouves que c'est une info ou... Ben ouais, ben ouais. Allez, je me casse, moi. J'ai ouais, ben... Timberland, il va lancer sa marque de chaussures. D'ailleurs, j'en ai déjà une idée, c'est une tuerie. Et toi, t'as pas Tinder. Non, non, ça doit être ça. Bon, bah merci Yogi, hein, à bientôt. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, avec tes rames. Avec tes rames. C'est une marque de chaussures, c'est pas un chanteur. Oui, oui, allez, au revoir. C'est même pas une marque de chaussures, c'est un magasin. Ouais, c'était dur là, c'était dur, Yogi. Oh, non, mais Michael Jackson, non, mais le pire, c'est que ça fait deux fois qu'il nous l'a fait à l'envers. Ouais, ouais. Ça fait deux fois qu'il pleure, il est con. Non, mais oui, déjà, ça fait deux fois qu'il pleure, et puis ça fait deux fois qu'il nous dit qu'il est mort. Enfin, c'est n'importe quoi. Michael, le podcast. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, c'est le moment de l'expression du jour. Vous êtes fan de l'expression du jour, c'est normal, puisqu'en général, quand on l'a fait, c'est qu'on se fait mal ou qu'on se fait souffrir, en fait, tout simplement. On se fait souffrir. Bah oui, et l'expression du jour n'est autre que se casser les couilles. Ouais, on a choisi la pire, quoi. Ah, on a choisi une des pires, en l'occurrence. Et donc Toff, qui, vous l'entendez, n'est pas là, puisqu'en fait, il installe le matériel. Exactement. En fait, on a des barres, je sais pas si vous voyez dans les soirées ou dans les concerts, il y a des espèces de grosses barres en acier qui tiennent les lumières, les haut-parleurs, les projos, etc. Et ben, on a les mêmes ici au plafond à la radio, et donc on est en train d'installer une corde qui va faire tenir une bouteille. Cette bouteille, on va la balancer dans les couilles du roux. Pas que moi, pourquoi? Non, pas que toi, bien sûr, il y aura aussi roux. Non, quoi? Mais il a quand même failli dire ok. Bon, alors Toff est en train d'installer la bouteille, hein, voilà, il la serre. Donc, comme bon. C'est Toff qui installe, il y a des chances que ça marche pas. Il y a des chances que ça marche pas, effectivement. Là, il va tout serrer, vous allez voir que la bouteille va tomber. Moi, je propose qu'on fasse un baptême du feu. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que Pedro, il réalise pour ça fait ses premières fois qu'il réalise avec nous, il pourrait commencer. L'expression du jour. Pas être au four et au moulin. Hein. Ah mais je peux te remplacer hein, si tu veux. Il y a pas de moulin, y a pas surtout de four. Que là pour la peine, il y a pas grand-chose à faire. Bah hein. Donc moi je te remplace aussi et donc reste assis à ma place. Et non, ça ira. Bon, ça y est Toff. En même temps si le problème. On commence sur Toff puisque il a bien. Le problème. Vous êtes malade. Le problème. Oh là là. Ça va, franchement ça va. C'est ouais, pas trop, ça va. Je pense pas que ça soit trop lourd. Parce que la bouteille n'est pas complètement remplie pour éviter que ce soit trop lourd. Vous mettiez en position jambes écartées hein. Ah bah sinon ça compte pas. Le roux est déjà en panique. Mais non mais ça va faire super mal. Oh, il faut voir. Qu'est-ce que tu fais Toff? T'es non, bien là pas bien. Elle est trop basse je pense. Non, elle était pas assez haute, assez basse justement. En fait on a accroché une bouteille au bout d'une corde. Au bout de la corde ouais. Et comme on va lever la bouteille et qu'on va la lâcher, ça va faire balancier et bam. Et bam dans les couilles. Ce qu'on peut faire aussi c'est qu'ils soient... Ah ça c'est encore mieux. Ils sont... Mais dos à la bouteille, comme ça ils savent pas quand ça arrive. Bah non, parce qu'on va l'avoir dans le cul. Mais non, t'écartes tes jambes, tu vas l'avoir au. Non, ça oui, va mais. Pas sûr. Faut en avoir des grosses quand même. Ouais, après. C'est pas le cas de roux. C'est... Bon. Oh. Pas laisser finir. Voilà, c'est on commence fait. Par Toff. Bon. Mais parce que tu bâtis. Non, je l'ai installé, je bah juste... pas. Mais justement, tu l'as installé. Putain, bon alors attention. Ouais, il faut que tu te mettes dans l'axe de la corde. Voilà, c'est ça. Donc la première fois ça va rater, c'est pas grave. Ferme les yeux, c'est plus. Ça rajoute du piquant. Les yeux fermés, ça rajoute du piquant. Ouais. Vas-y, Toff, ferme les yeux. T'es prêt? Non. Ouais, mais le micro, ça va gêner. Mais non. Écarte bien les jambes. Bon, vas-y, je veux pas voir. En plein dans le mille. Je fais pas, je fais pas. Mais il fait du cinéma. Je fais pas. Ah, c'est rien, Roux. C'est du cinéma, Roux. Rien, c'est rien, tu le connais, pas. C'est du cinéma, Toff, hein, c'est du cinéma. C'est du cinéma, Roux. Allez Pedro, fais-le avant moi. Non mec, arrête. Non mais Pedro, c'est pas à sa taille. Hein. Bah ouais. En ah, plus. Mais ça te moi, ça va me taper dans le nombril. Est-ce que je peux jeter la bouteille? Attends, non, juste deux secondes pour voir où. Juste deux secondes. Non mais change pas de bouteille. Ah si on change de bouteille. Non, mais arrête, on perd du temps. Arrête, mais pas plus lourd, mais pas plus lourd. Non mais je vais pas le faire. Mais non, il va pas le faire. T'es relou, il va. Putain, on perd du temps. Le disque il va partir là. Bah oui, non ça va. Mais pourquoi tu la changes? Parce qu'elle est pas assez lourde l'autre. Mais tu rigoles mais ou quoi? Alors tu recommences. Alors là mec, bah attends, on va remplir la bouteille et on va te le faire qu'à toi. Hein. Non mais si c'est pas assez lourd, il suffit de jeter plus fort hein. Non, laisse, je vais le faire moi. Non. Ça aussi. Non mais vas-y, remets l'autre. Alors soit tu mets celle-là et tu recommences, soit tu mets l'autre aussi, bah sinon oh, c'est pas. Là, j'ai déjà fait moi. Bah alors remets l'autre, c'est pas normal sinon. Mais si. Mais enfin mais non. Sinon on dit à Toff de fermer les yeux et en fait on lui met un coup dans les couilles. Oui, allez viens. Voilà, tu le fais avant. Allez viens. Tu le fais avant. Non. Mais si, c'est normal, c'est normal. Lâche la bouteille. Allez, lâche la bouteille. Lâche ta bouteille. Mais c'est normal, Toff, t'as changé la règle en plein milieu. Oh là là. Putain, t'es un malade. Allez, vas-y, double. Mais non, vas-y, Roux. Hé, Roux, je te paye un quick. Arrête avec ça, j'ai rien à faire. Enlève ton cadeau. Maintenant que tu vas y passer, dis oui, Roux. À savoir que le Roux, on l'a payé avant-hier. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il met sa main au panier. Ah, mais oui, mais je les couilles avant. Bah, non, il les déplace, quoi. Mais je l'ai. Oh là là. Ah mais il triche là. Non je triche pas. Il a remonté. Oh il va les mettre derrière, il va les mettre dans son cul, tu vas voir. Mais non, elles sont trop gros, je peux pas. Oui, elles sortent à chaque fois. C'est ça, ouais. Ouais, je suis bien en train. Non, écarte les jambes. Ah oui, allez, comme Tof. Tof, elle l'a. Non, mais Roux, enfin. Tu vas souffrir et voilà, c'est tout. Tu mets quoi? Attends, non, j'ai trop peur. Attends, je vérifie juste un truc. Parfait. Non, mais attends. Ferme les yeux. Tu voulais pas de gosse? Tof, il a fermé les yeux. Eh, pas trop près de micro parce que Tof, il nous a flingué les oreilles. Enlève le casque, continue, ça va gêner. Enlève le casque. J'ai trop peur. Et nous aussi, franchement, franchement, Roux, on a peur pour toi. Polo commence. Allez non, Polo commence. Voilà, vas-y, fais ton homme, ça va pas le tringue. Et il va rien dire, même s'il crève de balle, il va rien dire. J'ai des petites couilles, moi. Voilà, parfait, là on est bien. Ça va faire mal. T'es prêt? Ils sont malades, hein. Mais même s'il a mal, il dira rien. Ouais, écarte un peu mais ça va taper là. Bah oui, bah c'est le but. C'est le concept que ça taille dans les couilles. Il a peur, il s'enlève. C'est un réflexe. C'est pour ça qu'il faut fermer les yeux. Mais non. Bah non, si, non, comme non, ça, tu sais pas quand ça arrive. T'es prêt? Vas-y. Ça fait pas mal. Ouais, je crois pas. Pas mal. On a une énorme photo de Polo hein, qu'on mettra sur le site. Elle est... Quand il prend la bouteille, là. Ne faites pas ça à la maison. C'est... Non, on est lui, on est, nous sommes une équipe de professionnels. Attention. Allez, Roux. Ça fait pas mal, Roux. Faut que t'avances. Voilà. Non, attends, fais-moi. Hey, attention, ouais. On va mettre Milan. Ouais, il reste 10 minutes, les mecs. Non, franchement, Roux, ferme les yeux, sinon demain, on est encore là. Vas-y. T'es prêt? Vas-y. On y va? Non, allez, la jette pas. Vas-y. La jette pas, attention au micro. Allez. Ouais. Non, elle est passée à côté, t'as bougé. Ça m'a touché la bite. T'as bougé. Allez. Un petit peu plus à gauche, Roux. Voilà. Attention. 3. Tu l'as de plus haut là. 1. Oh. Qu'est-ce que vous êtes con. C'est bon. Je propose qu'on la refasse après avec Micha. Ah oui, bah c'est parfait. Tiens, on essaiera avec Micha tout à l'heure. Voilà, laissons la corde accrochée, ce sera parfait. Mickaël, le podcast. Marine qui est là maintenant, 22 ans, du 30. Salut Marine. Salut. Bonsoir. Comment ça va? Bien, merci. Bon, bah écoute, sois la bienvenue Marine. Bon, on va faire le jeu des amis. Ouais. Est-ce que t'as un Facebook? Oui. T'as combien d'amis sur ton Facebook? J'ai un peu moins de 200, je crois. Ah oui, quand même, c'est pas mal. Quoi. Ouais, mais c'est une meuf, hein. c'est plus d'amis, les meufs. Ah bah, tu m'étonnes, surtout si tu mets une photo, t'es un peu mignonne, boum, ça arrive. Ouais, les amis. T'as plein de mecs qui viennent, tu les connais pas. Je parie que la moitié de tes potes, tu les connais pas? Wow. Tu connais les 200 personnes? Non, je refuse tous les pélos qui viennent comme ça, juste par rapport à ta photo. Quoi. Ah, d'accord, ok. Ouais, mais alors, du coup, ceux qui arrivent parce qu'ils veulent vraiment faire connaissance, mais sans pour autant que ce soit grâce à la photo, tu les tèges aussi? Ouais. Ah donc ouais. Ça sert à rien d'avoir un Facebook si c'est pour rester dans ton cercle. Si, c'est du gâchis. Gâchis, mais si c'est pour rester dans le cercle d'amis que t'as de base. Ouais, mais après c'est des amis, tu vois, faut voir. Ah d'accord, ok. Donc pour arriver à te parler, il faut être déjà l'ami d'un. En fait, ce qu'il faut faire, c'est voir ce que t'as comme ami, trouver quelqu'un qui accepte à l'arrache. Du coup, ce sera l'ami d'un ami et hop. Et hop. Et comment tu le connais? Oh, bah vraiment, c'est un vieux pote de Bahut. Ou alors se voir dans un bar normal, comme d'habitude. D'accord. Quoi. Faut vraiment avoir envie de te serrer, hein, putain, sur Facebook. Ouais, bah écoute ça. Non, mais s'il est vraiment bien, il y a moyen de se faire chier. En même temps, c'est pas compliqué. Tu regardes la liste d'amis, tu vas voir un autre pote, tu fais ami, tu rentres chez elle. Hein. Et... Objet de désir et de plaisir, particulièrement efficace dans un lit. Marine? Oui. Pas. D'ailleurs, je vais vérifier combien mesures-tu. Ah, oui, ça faisait longtemps, tiens. Combien je mesure? Oui. 1m68. Combien pèses-tu? 55 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 85B. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Je crois que je vais aller voir qui tu as comme ami. Ah, t'as un Facebook alors, Tof? Non. Quel casse-pied, c'est épuisant. Le nom veut dire beaucoup. Hein. Ouais. T'as un Facebook un nom particulier, pas à ton... ouais, pas à c'est Mickaël _ Energy. C'est ça. Monsieur Roux. Non, je pense pas. Peut-être. Bon, Marine, on va donc jouer au jeu des amis. On va appeler qui? Leslie, Julien, Karine. Ouais, Karine. Bon, allez, c'est parti. On y va. On appelle Karine maintenant. Merde, ça ne téléphone pas. Hop là, j'ai fait une connerie. C'est parti. On appelle Karine, on lui pose 10 questions. Si elle répond bien à 6 sur 10, ce sera gagné pour vous deux. Allez. Christophe. Et qu'est-ce qui se passe? Ils viennent taper, toi. Oui, oui. Quoi. Ah, c'est moi. Oui, ah oui, Christophe. Ça va durer combien de temps? Christophe. Bah, ça va durer le temps qu'il faut. C'est ça. Déjà, il faut qu'elle décroche, Karine. C'est pas gagné. Comme si j'étais responsable. Bien. Allô, Karine. Oui. Bonjour. Oui. Tu dors? Ah non. Ah mais il faut pas demander hein. Mais allez chez papa et maman, en fait, ça marche pas de bruit. Ah mais il va falloir pas faire de bruit, ça va être pratique pour jouer. Bon, bah oui, mais bon. Bon, Karine, arrête de faire une voix comme ça, sinon on va tous avoir la gaule. Ah, une faciale. Oui, enfin, après, Tex, chaque chose en son temps. Oh là là. Bon, Karine, t'es en direct à la radio sur Énergie, je t'appelle pour le jeu des amis avec Marine qui est là. Je vais te poser 10 questions à son sujet. Si tu réponds bien à 6 sur 10, c'est gagné. Et vu la voix que tu as, chaque réponse compte double. Ah, c'est une vanne, bien sûr. On peut se mettre à 2, ça fera 4. Regarde, elles vont nous faire regarde les cochons. C'est ça, vous allez nous faire une simulation. Là, vous gagnez d'office. Hein. Ok, cool. D'accord, très bien. Bon, si tu sais pas, tu peux passer. C'est à ce moment-là considéré comme une mauvaise réponse. Et il faut répondre du tac au tac. D'accord? Ok. Allez, première question, on y va. Attention, quel est le prénom de sa mère? Je sais pas. Ah, ça commence mal. Laurence, combien de tatouages possède-t-elle? Un. Oui, un seul ou ça? Sur le cou. Effectivement, c'est une bonne réponse. Quel est le dernier cadeau qu'on lui a offert? Des dessous. Ah non, un appareil photo. Putain, qui t'offre des dessous, Marine? Son mec. Plein de gens. Ah, d'accord. Donc, je reçois. De quoi? Je reçois. Ah, tu reçois. En anonyme, ouais. Ok, d'accord, très bien. T'as beaucoup de chance. Quelle est la marque de sa voiture? C'est Renault, Peugeot. Ah putain. Alors, Renault ou Peugeot? Allez. Bateau, c'est quoi? Renault. Bonne réponse. Et Renault yeah. 21. Oh, ah oui. La classe. À l'ancienne. Attends, je crois à l'époque, c'est celle qui parlait, non? La Renault 21? Non, c'est la 25. Non, c'est la 2000 qui parle. Je l'ai aussi, la 25. Ah, mais tu collectionnes alors? Ah bah écoute, pourquoi pas hein. Bon, à quel âge a-t-il eu sa première relation sexuelle? 14 ans. Oui, bah ça démarre tôt, hein, dis donc hein. Quelle est sa position sexuelle préférée? À genoux. À genoux, c'est-à-dire ouais, la pipe. Elle a gagné. Ouais, non. la levrette. Bon, allez, c'est bon, allez, on va pas chipoter hein. Combien de partenaires sexuels a-t-elle déjà eu? 20. Combien? 20, je sais pas. Oui, 20, effectivement, comme par hasard. Bien joué. Effectivement. Mal, hein. En même temps, avec le physique qu'elle a, c'est normal que ça s'enchaîne. Ouais, c'est vrai, hein. c'est vrai. Voilà. A-t-elle déjà eu une relation homosexuelle? Jusqu'au bout, non. Eh ben oui. Dommage. Allô. Voilà. C'est dommage, hein, je lui ai pas demandé de préciser ou pas oui. Au bout. C'est elle qui a fait la maline. C'est vrai, hein. c'est vrai. Combien de fois par semaine se masturbe-t-elle? Deux fois. Non, une fois. Eh oui, une fois par jour, hein, Tex avait raison. Ah, c'est vite et saignante. Quel type de sous-vêtements préfère-t-elle porter, pardon? Des boxers. Non, des shorties, dommage. C'est pareil. Ah non, ah non, ah non. Si t'es pointu, Mike, depuis quand t'es pointu? Ah non, un shorty, un boxer, c'est pas pareil. Oui, mais depuis quand il est pointu? C'est pas pareil. Toi, quoi qu'il arrive, de toute façon, ça fait 6 bonnes réponses contre 4 mauvaises. C'est gagné, les filles. Voilà. On va, vous allez gérer ça avec, vous allez gérer ça avec Micha au standard. D'accord, les filles? C'est cool, merci. Bon, par contre, vous faites pas grave. C'est gagné. Oui, c'est gagné. Oui. Vous faites pas draguer par Micha, Marine et Karine. De toute façon, c'est un goujat, c'est un con. Il prend les meufs pour des sacs à merde. C'est pas vrai. C'est un bon blond aux yeux bleus. Tu parles. De quoi tu dis, Marine? Et toi, t'es un peu jaloux, non? Ah non, pas du tout. Alors là, pas de Micha. De toute façon, Michael, il a Jared. Non mais arrêtez avec ça. Il s'en fout du reste. C'est ça. Tout le reste n'est que pacotille. C'est cela, ouais. Bon, Marine et Karine, gros bisous. Gros bisous, merci beaucoup. Allez, je vous en prie, à bientôt les filles. Michael, le podcast. Et puis, je vous l'avais annoncé également, merci à l'auditeur qui nous a envoyé la version avec un bon son. Putain, nous on l'avait cherché pourtant, hein. Pablo avait cherché mais il n'avait pas trouvé. De l'Assassin d'Omi maintenant. C'était c'est une parodie en fait qui a été faite sur la comédie Mozart. C'est original. Si Pedro cherche, il doit l'avoir. On doit l'avoir. Jamais, c'est des gens qui débarquent et qui connaissent pas du tout. Mais si, tu connais. Chante un mot. Alors que veut dire l'assassin symphonie? C'est l'assassin. C'est le mec qui tue la musique, quoi. Voilà. Ah d'accord, donc c'est une. C'est la version originale, il dit ça? C'est une chanson sur lui. Ouais, la symphonie. La symphonie. Voilà, c'est un petit jeu de mots, c'est pas grave. Ils disent ça dans la chanson ? Ouais, c'est l'assassin phonie. Ah bah enfin, c'est bon, ils sont... T'as pas entendu la chanson ? Non mais ils sont réalistes, c'est bien. Ah oui, oui, oui. C'est ça que je voulais dire. Non, bon. C'est vrai, pas mal. Tu l'as trouvé ou pas, Pedro ? C'est craché pour cracher. Tu cherches ? Bon, bah te casse pas la tête, on va mettre la version, la parodie. Si t'as trouvé après, on mettra après. Donc écoutez bien, cette fois-ci on l'a avec un bon son. Bah faisons péter le truc maintenant. On n'est pas terrible, mais on va peut-être comprendre cette fois-ci. Cette nuit, ouais, j'ai bien. Sorti mon zizi. Je l'ai mis sur ta tête. Je l'essuie quand je jouis. J'ai subi cette cacaphobie qui salit ma guéquette. Tu me diras ralenti. Je revis dans ton anatomie pour que tu. C'est violent. C'est dégueulasse. Il répète pour être sûr. Hein. La bite, tu l'aimes. Eh, franchement, top avec ça dans la voiture à fond. Grave. Ça lui irait comme un gant. Hein. Fenêtre ouverte qui regarde les nanas avec des clins d'œil. Hey. Tu veux une salami ? L'ennemi, pour toi c'est mon zizi. Il te fait ta fête. Écoutez bien les paroles. Mais tu rigoles. Elle est bien, hein, ça rentre dans la tête, hein. Comme une chienne. Mozart, l'opéra coq. Ouais. Ah, faut parler anglais pour comprendre ce bâton. La violence de mon zizi ramollé ta sortie. Non. Déconcertant Roberto, je jouis sans toucher ton dos. Ah, bravo. Ton anus. Enfin, c'est Roberto, on parle de lui dans la chanson. C'est vrai. Je bois ton pubis. Oh dans non hémorragie. Oh, c'est dégueulasse. Je tue tes amis par des coups de zizi. Il chante bien le con en plus, ouais, hein. Ça va. Après tout, ça, tu fais des trucs bien. Ouais, mais bon, si c'est ça. En tout cas, il est bon, bon ingénieur du son, quoi. Ouais. Là. Des cœurs. Ah là, c'est le refrain. Ouais, après, c'est le refrain, ouais. Putain, il est pas mal, hein, quand même, hein. Ouais. Ce serait bien qu'il vienne la chanter en live. Ah, ce serait marrant. Après, je sais pas s'il peut le faire, hein, parce que nous aussi on a fait des sicrous, mais il s'agissait pas que quelqu'un nous dise venez chanter en live. Personne ne s'est demandé. Parce qu'il y a problème dans la merde. Bon, pour ceux qui n'avaient pas. Même en playback, on était mauvais, nous. Hein. Ah oui, oh là là, qu'est-ce qu'on était mauvais. Oh là là. Et donc, on a l'original, hein, pour ceux qui veulent écouter. Voilà. Ah ouais, bah oui, je vois. Voilà, maintenant, on se souvient. J'avais pas la mélodie dans la tête. C'est... Ah merde, d'accord, ok. Ah bah ouais, tout de suite, ça parle. Hein. La folie me. Tu vois, il est chiant là déjà. On se réchit un peu plus rapidement. Florent Motte. Florent Motte, exactement. Motte. Roberto, on parle de vous dans la chanson. C'est vrai, oui. Le micro, Roberto. Non, mais non, c'est pas cassé, vous êtes. Voilà, voilà, voilà. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais c'est pas de la merde, c'est pas de la merde. Eh hey, Roberto, c'est dommage. Micro de merde. Mais non, vous êtes pas venu hier, on a eu Rocco Siffredi au téléphone. Ah mais oui, j'ai entendu, il était dans son nouveau film là, ah, Rocco oui. Qui est back. Non, Rocco is back. Oui, c'est ça par derrière. Oui, mais parce que Rocco qui est back, on pourrait penser à Jean-Sébastien. Tu connais pas. Je comprends pas ce que tu essaies de me dire, Rou. Tu comprends jamais rien. Mais oui, mais ça n'est pas possible. Moi, je fais les films de l'art, les films que c'est beau. Je comprends pas ce que tu viens me prendre la tête. Quoi dans les films? De l'art des grosses billes. Non, il est trop tôt. Il est trop tôt, mais je te pète les veines. Non, ça non. passe. Qui a dit? C'est une chanson. Oui, c'est vrai. Ah, ce n'est pas la oui, même chose. Oui, c'est de l'art. L'art, il a besoin. Non, merde, Roberto. Allez, merci. Ça ira. Merci beaucoup, Roberto. Revenez quand vous voulez, hein. C'est vrai, mais je suis là. Bah tout à l'heure, bah, vers 10h, après 10h30. Bon, alors je vais prendre un café avec les polos et c'est comme ça on va discuter de la sodomie. C'est parfait, très bien, allez, au revoir. Par contre. C'est un mix de parfois et par contre. Ouais, voilà. Non, je disais, par contre, il y a les mecs qui ont fait la chanson, qui ont mis, qui ont parlé de nous sur leur Dailymotion ou leur MySpace ou je sais pas quoi là. Ah, c'est fort. C'est sympa, ouais. Bah, parce que ça veut dire qu'ils ont entendu ou qu'on leur a rapporté. Donc, venez, faites-moi un mail, mikl@energie.com pour qu'on arrange votre venue. Faites le mail maintenant, voyez-le maintenant. Oui, voilà, ce serait parfait. Venez rapidement. Direct. Viens ce soir si t'écoutes. Ouais, très vite. Non, parce qu'on n'est pas à la brique. Enfin bon. Donc voilà. D'ailleurs, putain, j'ai plus de son dans mes oreilles. J'ai décroché mon casque. Je me suis dit, putain, on nous a coupé l'émetteur. Non, c'est bon. C'est juste moi qui ai fait encore, une connerie. Voilà, pas encore. Mickaël, le podcast. Bon, on en parlait juste à l'instant de l'opéra rock là avec la sassodomie. Oui. D'ailleurs, je remercie le je sais pas si c'est le créateur de la chanson en tout cas qui nous a fait une petite dédicace sur son MySpace. Sur Dailymotion, pardon, ça fait plaisir. Il y a un extrait de l'émission. D'ailleurs, c'est la sassodomie sur Énergie. Donc ça fait plaisir. Mais par contre, faut que tu viennes hein, maintenant chanter en live. Hein. Ouais. Ah ouais, il faut. On l'a mise il y a quelques instants là. On la mettra aussi sur notre blog si vous voulez. Micha va s'en charger dans quelques instants. Et on avait aussi eu l'idée à l'époque. Bon, évidemment, c'était moins vulgose que la sassodomie. C'était tout aussi con. Mais c'était aussi la pub de l'opéra. Hein. Énergie et le sanatorium du Puy du Fou présentent la nouvelle comédie musicale de l'année. Mozart, l'opéra Toc. Je vous mets nuit à la sassophonie. Vite, vite, ma chatte, t'as des grosses couilles. Enculé, je te lèche. Tu en pars dépit ce que j'ai. Mais je te défonce, ah bâtard. Je vous mets nuit à la sassophonie. Nique, nique, je t'agresse avec une soupière. Bâtard, bâtard. J'avoue, je maudis. Mozart, l'opéra Toc, un événement énervé. Voilà. C'était moins vulgaire, hein. Ouais, mais ouais. C'est marrant. C'était ouais. Moins vulgaire. Pablo. Sauf le mec qui parlait sur Pablo. Le disque, là. Oui. Anime à ma place. Comment ça? T'as envie de parler? Mais j'ai rien dit. Comme Pablo ne fait que des remarques. Il dit toujours ça, il dit toujours... Je vous laisse ma place. T'as grillé, t'as grillé. Pablo, je vous laisse ma place. À la fin de chaque pro, tu dis voilà. Comme si c'était nul. C'était génial. Tu cales une mais intro. Mais non, vas-y, arrête. Allez, cale une intro. Mais non, une je intro. Suis postier. Je suis postier, moi, les gars. Non. Attends, tu vas caler l'intro. Ça y est, non, c'est pas drôle. Ah non, mais à l'oreille. C'est pas drôle. Ma mère ne veut pas. Attention. Je t'écoute pas. C'est parti. Ma mère ne veut pas. Non, arrête, sa mère, elle veut pas. Mais j'ai piscine, je peux pas. Il faut que j'y aille. Non, ça arrête, non. C'est drôle, une fois, deux fois. C'est bon. Encore une seule fois. Ouais, t'as vu ça? Allez, génial. Voilà, et à chaque fois, lui, qu'on lui parle, il est gris. Tu vois? T'as les mêmes tocs. Par contre, il critique, hein. En fait, c'est parce qu'il a peur qu'on le critique derrière. J'adore ce que tu fais, aucun rapport. Voilà. Voilà, on a parlé à Pablo. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, du coup, je sais plus ce qu'on allait faire maintenant, moi. J'ai oublié. Voilà, tu vois, bravo, hein. On n'allait pas faire le JT? Ah, si, voilà, c'est ça, exactement, oui. Bon, un petit peu attendre encore. Oh putain non. Oh il faut que ce soit leur pile. On s'en fout, on sait rien. Oh on va me faire foutre, allez vas-y fais ton idée. Voilà. Nous sommes en janvier 2010, bonsoir à tous. Politique. Jean-François Copé veut sanctionner les gens qui portent la burqa d'une amende de 750 euros. Croire qu'une amende va dissuader les gens de mettre la burqa, c'est se voiler la face. Drame dans le Val-de-Marne. Un professeur a été mis en examen pour 11 agressions sexuelles de jeunes filles. Un prof? J'espère qu'elles ont retenu la leçon. Science. Les pirates reviennent de plus en plus sur nos océans. C'est pourquoi des Écossais spécialisés dans l'armement maritime ont inventé un laser vomitif pour les éloigner. Une photo de Martine Aubry aurait suffi. Grande-Bretagne. Le jambon le plus cher au monde se vendra 2000 euros. Pas cher pour une Suzanne Boyle. People. Jamel Debbouze va présenter 2 concerts de charité dimanche pour soutenir Haïti. Et ce sera la première fois qu'il donnera un coup de main. Voilà pour le JT donc de ce soir. Merci Pablo, vous pouvez rentrer chez vous. Voilà, voilà. Il fait le malin encore. Hein. Voilà. T'as vu comment il fait le malin? Ouais, il se la raconte, hein, franchement. Ouais, quand tu iras à la NPE, tu feras aussi voilà, voilà. Pôle emploi. Hein, le pôle emploi, tu iras aussi voilà, voilà. Oui, c'est ça, il fera voilà, voilà ma feuille, payez-moi. Là, ils vont dire non, il manque le papier rose, le papier vert, et vous devez tout remplir, bien évidemment. Voilà, voilà. Revenez la semaine prochaine. Voilà, voilà. Là, il fait le malin aussi, non, le petit là, je le vois même pas tellement il est petit derrière sa console, là. Je le vois même pas, là, d'ici, je le vois pas. C'est voilà, voilà. Quand même, hein. C'est ça. Bon, il y en a beaucoup, qui ont demandé le retour de d'Energy Music Tour. Rassurez-vous, ça va revenir. Sera-t-on invité? Non, bah non. Sera-t-on là? Non, je crois pas, non. Mais cela dit, Obama Music Tour également. Lui, là, l'avantage, c'est qu'on est invité relativement souvent. Qu'est-ce qu'il y a invité, Pablo? C'est Micha qui a des places. À qui? Où ça? Energy Music Tour. Non, mais c'est comme tu connais tout le monde. J'aime, non, oui, je connais tout le monde, mais pas. C'est pour ça. En fait. Ah, on t'invite pas non plus. D'accord, ok, très bien. Oh, ils ont jamais de place pour moi. Non, bon. Ah, non, j'ai plus. Sinon, il y a la promo aussi Obama Music Tour, ça va être vachement mieux, je trouve. Ouais. Ouais. Voilà, voilà. Energy lance un événement encore plus bouillant que les Energy Music Awards. Quand je l'avais dit. Réunis sur scène, rien que pour toi. Que ta star. Pour toi, Amadou et Mariam. Black Sabbath, Magic System, Noir Désir, Michael Jackson. Merde. Non. Non, bah non. Et avec en première partie, Dieudonné. Peut-on rire de tout? Doit-on laisser aux humoristes une liberté d'expression totale? Le Obama Music Tour présenté par Harry Roselmack. J'ai accepté ce boulot parce que le challenge m'intéressait. Attention, première partie assurée uniquement dans certaines villes. Obama Music Tour avec le crédit Outouel qui donne le lard. Voilà, l'Obama Music Tour, on vous donnera les dates très prochainement. Pour voir, quand si est-ce que ça va, ouais. Pour voir quand est-ce que ça va se faire. De toute façon, Micha est au taquet. Hein, voilà. Ah bah Micha, il est encore là. Ce sera lui l'animateur. Hein. Ah ouais, c'est lui qui va animer avec Harry et tout, ça va être à la cool. Mais bon, ça vous savez pourquoi vous savez mieux faire mieux que moi? Bah oui, hein, vous voulez que je chante à votre place? Regardez avec ta tête, t'es chauve en plus, t'es moche. Mais oui, vous allez chanter à ma voilà, place, vous allez voir. Je suis pas standardiste. Ça meilleur, ça. T'as traumatisé ou quoi? T'as traumatisé, Micha? Ah bah ouais. Ah, j'ai pas travaillé à la poste, moi. C'est parce que t'es encore très jeune. Écoutez, Micha. Dans le dépôt de la poste. Non, non, Polo, il a besoin de micro. Non, je ne parlerai pas de ses sa dentition pourrie. Oh oh là là. Ni de ses braies gauloises. C'est encore le seul mec au monde qui porte des pantalons à la gauloise. Oh et que tu es un grand escogriffe. Planète. Go. Ah, c'est une musique de Clash. Sur le Clash. Allez, stop. Mickaël, le podcast. Et pour jouer maintenant au quiz, bien sûr, Quiz People, il y a Mehdi, il y a Tiffen. Bonsoir tous les deux. Salut Mickaël, salut toute équipe. Comment ça va? Salut. Ça va très bien toi? Bah écoute, ça va bien, ça va plutôt bien, tranquille. Demain l'Energy Music Awards, je serai à Bruxelles. Tranquille quoi. ça va, tranquille. Hein. Polo sera à Paris, Toff aussi. Ouais. Sandro, peut-être. On se fait un ciné, Polo? Non, bah non, pourquoi tu veux que j'y sois? Ah, je sais. Non, devant. Ah, devant, non, faut pas abuser. Non devant plus, le Midem, quoi. Hein. Non, si on m'invite pas, je vais pas me déplacer quand même. Hein. Oh, genre, écoute là la star là. Bah attends, j'ai pas les moyens. Oh, bah oui, bah demande au roux. Ça, c'est vrai. Il est blindé sa race, lui. Grave. Où tu... Non. Bon, voilà. Ah bah, c'est ça son problème. Bon, Mehdi, 16 ans, t'appelles du 92 à Saint-Cloud. Ouais. Et de l'autre côté, Tiffany, 18 ans, t'appelles du 53 à Bann. Oui, c'est Tiffany. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, ça chipote déjà. J'ai dit Tiffany. Oui. Ah ouais, mais c'est Micha qui a bien écrit. Bah ouais, mais il a encore fait de la merde dans le standard. Ça, c'est Micha, on peut pas compter sur c'est lui. C'est incroyable, hein. Tiffany, quand même, c'est incroyable. Bon, alors, Tiffany, tu veux jouer avec qui? Sandro. Et Mehdi, tu veux jouer avec qui? Leroux. Ah bah non, il peut pas, c'est lui qui a écrit les questions. Je sais pas. Bah oui, il a fait une partie des questions, donc s'il tombe dessus, non, espèce d'escroc, va. Tu veux jouer avec qui, Mehdi, alors, du coup? Bah, j'ai le choix entre qui? Toff, Pedro, et... Bah, c'est tout, hein, parce que Sandro a déjà pris. Bah, top. Merci Mehdi. Et attends, la règle change. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est l'auditeur qui dit la première réponse. Oh, t'es chiant toi. Et si ça marche pas, il demande l'aide de du lubrique. Très bien, d'accord, ok. Bon. Non mais si on suit ces règles, c'est assez sympa en fait. Hein. Il faut que tu, il faut que ce soit le, c'est soit toi. Bon, c'est soit toi, soit Tiffany qui doit donner impérativement la réponse en premier. Si tu te trompes, tu as le droit de te faire aider, il l'a dit. Hein. Et si tu te trompes, tu peux te faire aider. D'accord? C'est sympa comme règle. Oui, mais c'est le roux qui les a inventés. Je veux croire qu'après la deuxième question, il va les enlever. De quoi, mais non? C'est simple. Si. Oui, mais j'ai pas dit le contraire. Bon, allez, on y va. Première question, vous êtes prêts? Prêt. Prête. Attention. Top, quel acteur français vient d'être... Pourquoi j'ai top? J'ai l'impression d'être dans QPR. Quel acteur français vient d'être condamné à 3 mois de prison avec sursis pour conduite sous l'emprise de drogue et d'alcool? Et attention, attends, il faut d'abord que je donne les 3 réponses, d'accord? Ouais. Nicolas Duvauchel, Nicolas de Chauvel ou Nicolas Hugo Chavez? Tiffany. Tiffany. La première. C'est qui? Nicolas Duvauchel. Nicolas Duvauchel. Duvauchel, oui, bah, tout à fait. Bonne réponse, Tiffany, ça fait 1 point. Waouh! Pas mal. Deuxième question. Quelle chanteuse s'est pointée au tribunal pour son procès en mini-jupe et décolleté moulant? Amy Winehouse, Paris Hilton ou Nana Mouskouri? Tiffany. Amy Winehouse, bonne réponse. Ah, bravo. Eh oui, qui appelait des coupables ce 20 janvier d'ailleurs, hein, quant à l'agression d'un manager de théâtre, hein, c'est Richard Pound, lors d'un spectacle de Noël devant la cour de Milton Keynes en Grande-Bretagne. Amy donc avait été accusée d'agression et de trouble à l'ordre public. Ouais, elle avait 5 vodka coca dans la gueule. Hein. Exactement, oui, c'est vrai, on l'avait dit hier. Troisième question. Quel artiste a tapé un coup de gueule lorsqu'il a appris qu'il n'avait pas été invité aux Energy Music Awards? Moi-même, Charlot Marlboro, Jean-Jacques Camel ou Charlie Winston? Tiffany. Charlie Winston, bonne réponse. Bravo! En train de te démonter là! Allez Mehdi, plus vite! Ah mais j'ai dit mon prénom avant, mais... Non, t'étais second là, je t'assure. Et il a déclaré, Charlie Winston d'ailleurs, on se dit juste que nous sommes des producteurs indépendants et que comme par hasard, il n'y aura que des musiciens issus de grosses multinationales qui seront programmés. Oh, le langage que lui. Ouh là là. La conspiration de la comme musique. Par hasard. Quatrième question, quel artiste a pété un plomb en décidant de nettoyer une salle d'embarquement avec une serpillière tout en hurlant des insultes? Jean-Luc Delarue, Suzanne Boyle ou Linda de Souza? Mehdi. Jean-Luc Delarue. Jean-Luc Delarue, bah non, pour une fois que t'as la bonne réponse, pour une fois que t'as la main. Tiffany. Suzanne Boyle, c'est une bonne réponse, encore une. Et c'est moi qui les ai écrites parce que Linda de Souza, normalement, fallait dire que c'était son côté portugais qui ressortait. Par hasard, tu l'as pas dit. C'est marrant, bah, c'est entre parenthèses, t'as qu'à pas mettre entre parenthèses. Entre parenthèses, je mets des vannes juste entre parenthèses pour te faire rire que toi. Bah oui. Exactement. C'est l'amour du roux envers son boss. Tu les mets complètement. C'est incroyable ça. La prochaine fois, tu la gardes même pour toi. Non, d'accord. C'est même pas ça, c'est si au moins elle était drôle. Ah bah ça a fait rire tout le monde. Hein. Oui, non, ça a fait rire tout le monde parce que c'est le portugais et que tout le monde est raciste dans ce studio. C'est tout. Non, ce qui nous a fait rire, c'est que tu la lises pas. Ouais, non, parce que tout le monde est raciste. Et oui, on est tous des racistes. Je ne participe pas à ce genre de vanne. C'est Benetton l'équipe, mais on est tous racistes. C'est ça. Bon, cinquième question. Quelle star a confirmé sa présence aux Energy Music Awards? Sandro, Beyoncé, Gillo ou Barack Obama? Mehdi. Milo, non, elle est pas dans la liste, mais bon. Tiffany. C'est Beyoncé. Beyoncé, bonne réponse. Sixième question. Quel personnage de film pourrait être joué par Nicole Scherzinger des Pussycat Dolls? Catwoman, James Bond Girl ou Sultana, la prêtresse de la sodomie? Tiffany. James Bond Girl. Bonne réponse. Et septième question. T'as compris quelque chose? James Bond Girl, ouais. Septième question. Quel people a défilé hier soir pour D-Squad Milan? Bill de Tokyo Hotel, Bill de Big Deal ou David Beckham? Tiffany. Bill de Tokyo Hotel. Oh là là là là, la balade. Voilà, t'as démonté. Cette bonne réponse, Mehdi, c'est un échec. Cuisant. Un échec. Niqué. Grave. Mise à l'amende. Ah Mehdi, il fallait demander de l'aide. Et en même temps, t'as pris la main qu'une fois. Et en même temps, ça aurait été compliqué quoi qu'il arrive. Bon, Tiffany, on va te filer un pack Blu-ray, lecteur Blu-ray, avec le film Blu-ray Energy qui va avec, ok? Ok, bah merci. Je t'en prie. C'est gentil, Tiffany. En même temps, t'as gagné, tu vas pas dire l'inverse. Salut Tiffany, gros bisous et bon week-end. Salut Mehdi. Ciao. Ok, je peux passer une dédicace avant? Vas-y Mehdi. Donc je fais un gros bisou à Kevin, à Céline, François, Kazoum, Honor et Margot. J'invite tous les jeunes parisiens à être partis samedi soir au Plaza Madeleine dès 18h. Merci. S'ils ont compris, ils seront ravis de venir. C'est ça. Okay. Salut Mehdi. Merci, au revoir. Allez, à bientôt. Ciao Mehdi. Mickaël, le podcast. Bon. La suite maintenant, le temps, bah, le roux s'est remis, hein, on l'a fait tout à l'heure, les se casser les couilles. L'expression du jour. L'expression du jour, se casser les couilles. Bon, comme il s'est remis, peut-être remontrer aux autres. Non, mais ils ont bien vu, hein. Donc on a fait la first part. La first part donc, avec. C'est la second part. Avec Toff, Polo et Roux. Voilà. Et donc, bah là, on il va démarrer avec Micha. Non, moi j'ai dit que je voulais des gosses. Oh, mais t'en il t'aura pas de problème. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Vous avez vu comment. Ouais, je suis ta mère, toi. Comment elle s'appelle, ta rhum encore? Valérie. T'es sûr de ça? Ouais. Je croyais que c'était Rachida Dati. Ah oui, Rachida Dati, pardon. C'est ça, ouais. Bon, Micha, viens. Allez, viens. Viens voir. Hein. Allez, Micha. Ah oui, mais non, mais la bouteille, elle va être probasse. Mais non, il faut. T'inquiète pas. Une bouteille en verre. Non, mais il suffit qu'il recule un peu. C'est ça, c'est une histoire de. Balancier. Il faut remonter la corde. Ouais, alors il doit. J'aurais jamais trouvé ce mot. Tiens, Micha, t'as un micro, mais ne chante pas. Ouais, ouais, ne chante pas, ne crie pas trop fort dans le micro si jamais ça fait mal. Alors attends, est-ce qu'il est bien en face? C'est ce chien de Polo qui va te l'envoyer. Voilà, écarte bien les jambes et ferme les yeux. Non. Ah, mais faut le remonter pour lui, non? Non, il faut qu'il recule, recule. Mets-toi légèrement. Non, il faut qu'il recule. Non, mais Toff, c'est pas la même chose là. Toff. Toff. Non, ça va aller là. C'est pas la même chose. Non, mais parce que là, la bouteille, elle fera moins mal puisqu'elle sera dans non, elle va remonter. Donc on va la lancer plus fort. C'est un peu plus. Micha, ferme les yeux. Très bien. Ferme les yeux. Allez, hop. Non. Ah bah c'est normal, t'es plus grand. Faut qu'elle remonte, Micha. Faut qu'elle remonte. Elle faut qu'elle remonte. Non. Non, mais il va pas la lancer, il va juste la lâcher. Faut qu'elle aille de plus haut pour toi. Allez, vas-y. Bah oui, c'est normal. Allez, c'est parti. Oh. Ah non, la cuisse, il a mis sur la cuisse. Quel gogol. Hein. Non, on va voir. Allez, vas-y. Ah. Non, je le fais pas, je m'en fous. Non, regarde, il pleure, là, il est par terre. Mais non, c'est du cinéma. Non. Mais il fait du cinéma, t'inquiète pas. Cinéma. Non. C'est mal, on a de coco. Oui, mais on aimerait que Mickaël le fasse, alors. Non, tu vas le faire. Je le ferai tout le mois de février. Quoi? Non. Quel enfoiré, celui-là. T'as le vendu, va. Vas-y, attends, il y a Pedro déjà. Attends. Je le fais tout le mois de février. Arrête un peu là. Non, je le fais tous les vendredis du mois de février. Arrête d'enfumer tout le monde tout promis, le temps. Promis. Ouais, je n'ai qu'une parole. Ouais. Allez, hop. Pedro. Vendu. Pedro, faut enlever le casque. Enlève le casque. Pedro. Ouais, parce que Pedro, il a. Ouais. Ah, il est trop professionnel. Il veut faire la réa, donc il a le casque. C'est ça. Faut prendre un car Vitel pour lui. Non, tu peux te coller à la bouteille directement. Parce qu'il est petit, alors on n'a pas besoin de se mettre trop loin. Tu veux un tabouret? C'est bizarre d'être petit comme ça. Non, déjà j'accepte pas aussi haut que ça. Non, parce que vous, ouais, Micha, il était à la caméra, hein, Micha. Micha, je m'en fous. Vous, Toff et Roux, ils ont fait de beaucoup plus bas. Non, on a dû faire. Non. Mais ils font pas ta taille. Une perspective. Et ouais, enfin, Pedro, ils font pas ta taille. Fait un peu plus petit, fait un peu plus bas. Et alors, c'est pas une question de taille. C'est une question de distance. La bouteille. Qu'est-ce qu'il raconte? Lève le micro plus haut. Ferme les yeux, c'est plus facile. Ouais. Non, mais là. Pas trop près. Ah, non, c'est raté, c'est raté, elle est passée à côté. Bouge pas, Pedro. Ouais, mais ça fait peur. Mais ferme les yeux. J'aimerais bien t'y voir, toi. Ouais. Vas-y. Non, je suis pas prêt, non. Ah. Oh non, arrête, ouais, tu vois. Sur la cuisse. Non, mais je peux. Allez. Ferme les yeux. Close your eyes. Non, mais attends, t'en profites pour remonter, là. Ah, il a peur. Vas-y, mais non. N'aie pas peur, c'est pas grave. C'est vas-y, une bouteille d'eau. Vas-y. Ne bouge pas. Ah si. Non, t'as bougé. Si, je te jure, j'ai pris non, dans les Pedro, couilles. T'as bougé. Hey, 2 ans de cours Florent pour ça. Mais c'est grâce à ça, ouais. Ah, comédien. Oh, la comédie, quoi. Oh là là là. Non, mais c'est bon, je l'ai pris, les gars. C'est pas de ma faute. Si c'est... Mais non, mais attends. Tu veux pas que je le fasse 20 fois non plus? Si, allez, reviens. Non, mais non. Mike, surtout, non, je peux pas. Arrête, ça, arrête. Je le fais tout le mois de février. Arrête, Mike. Jusqu'à fin juin. Mais toute ton équipe l'a fait. Jusqu'à fin juin. C'est vraiment, franchement. Je sais, franchement, ouais, j'ai pas de bite, je suis une petite bite. Non, c'est pire que ça. Ouais, je m'en branle là. Moi je dis, t'es un bel enculé. Oui. Oh. Ça par contre, c'est vrai. C'est nul. Oh là non, là. Non. Ou alors Pablo doit le faire. Même alors. Le patron. Ah, tu le fais. Hein? Pablo le fait, tu le fais. Pablo le fait, tu le fais. Allez, bataille pas, allez. Faut que je réfléchisse. Vas-y, pendant Pablo. Oh là là. T'as un kystosis. Lui il a toujours plein de choses bizarres. Non mais t'as tout toi, t'as mal à la tête, t'as des problèmes. Il a une sonde dans la teub. Allez, il a une sonde dans la teub. Allez. Mais non, n'aie pas peur, ça va rien faire. C'est comme ça là. Qu'est-ce qu'il fait Polo là? Pourquoi tu fais ça comme ça? Voilà. Non, regarde. Mais non, mais allez, oh non, mais putain, il va nous faire un cinéma là. Constant le cinéma. On va en entendre parler pendant des années entières, même si on bosse plus ensemble. Tu peux l'envoyer? Oui, non, je me suis reçu une palette de badois dans les couilles. Ouais, on m'a agressé. Palette. Non, les packs de 6 bouteilles. Je me suis battu. L'usine de fabrication de badois. Plus haut. Ça, ouais, voilà. Là, stop. Concentre. Pour... David. On dirait qu'il va faire caca là. Caca, quoi. N'est pas sûr, il va chier sa sonde. Sois fort, Pablo, sois fort. Allez. Oh là là là là, c'est putain. C'est vraiment des jeux débiles. Hein. Oh là là, il a pas lâché, il a lancé la bouteille. Non, il est par terre, allez vous faire foutre, je fais pas moi. C'est non, rire non, de non, la non. souffrance. Allez Mike. Non, il a trop mal. Allez, non, on a plus le temps, en plus on aura pas le temps de faire le javet après là. N'importe quel quoi. Non mais c'est vrai. Je peux pas depuis la nouvelle cloque là, oh là là, ça va vite. C'est une chochotte. Hein. Bah oui, bien sûr. Non mais c'est clair. Non mais regarde là comment j'ai eu mal quand j'ai fait tourner autour du pot là. Oui, mais c'est un accident. C'est allez, un accident. T'es pas mort, Là ça va être un accident. On a fait du buzz grâce à cette chute. Putain, vous êtes gonflé, j'échange un seul passage contre jusqu'à la fin de l'année quoi. Quoi? Non, mais oui, mais arrête un on peu. On a pas envie de t'infliger ça. Non mais moi je veux, je suis un fou dans ma tête moi. Regarde, Pablo il est par terre. Mais non, il fait du cinéma, tu sais très bien. Cinéma. Tu connais le cinéma? Non, j'ai un kyste. Ouais, d'accord. J'ai un kyste. Oh, ouais, c'est une mine. Deux ans de cours Florent à Pedro et voilà le résultat, c'est Pablo qui fait le show. Exactement. Mickaël, le podcast. On va se faire un petit GAV immédiatement avec Jennifer qui est là maintenant du 59. Salut Jennifer. Salut Mickaël, salut à toute l'équipe. Comment ça va? Salut. Ça va. Bon, bienvenue à toi Jennifer, on va faire un petit GAV là. Oui. Très bien. Alors, est-ce que c'est toi qui m'as envoyé un mail tout à l'heure? Non, je pense pas. Enfin, je sais pas. J'ai envoyé à Micha, mais c'est tout. Ah oui, non, d'accord. Alors, très bien, parfait. Bon, Jennifer, on va donc faire un petit GAV maintenant. Comment ça va se passer? Quelle sera, quelle est l'histoire? T'as prévu quoi? Allô? Oui, allô? Oui, je vous entendais plus. C'est pas grave. Alors, attends, tu nous entends? Donc, oui, bon. Je vous entends. Donc, je disais, quelle va être l'histoire? Qu'est-ce que tu as prévu par rapport à ta mère? Alors, donc, moi, mon histoire que je vais lui dire. Donc, en fait, je vous explique. J'ai une nouvelle voiture. Ouais. Déjà. Ah oui, toi aussi, tu l'as acheté en octobre là? Non, je l'ai acheté en mois de mars, mais bon, enfin. Ouais, voilà. Il fallait le temps d'être livré quoi. Plus 20% l'automobile en octobre. Oui, putain, cher. Là, au mois d'octobre qui arrive, ouais. Pas le prix, hein, Mike, c'est l'augmentation des ventes. Ah oui, d'accord. Ah, okay. Oui, d'accord. Parce que, mais le mois d'octobre qui arrive, c'est l'année prochaine alors, ça veut dire. Hein. Ouais. Parce que là, on est en novembre quand même. Ouais, oui. Bah, donc, oui. Allez, alors, bon, donc, alors qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, donc alors pour l'histoire, je vais lui dire qu'en fait, je revenais de chez une copine et en fait, je me suis plantée en fait dans un fourgon de flic. Parfait, très bien. Bon, on va faire ça dans un instant. Alors. Impeccable. Bon, eh ben on y va, on va l'appeler. Oui, petite parenthèse, oui. J'ai oublié de filer les 100 Best of des Fall Out Boy. On les a, donc 612, débutez le message par énergie, puis vous mettez FOB avec vos coordonnées complètes et on vous filera donc le nouvel album, le nouveau best-of des Fall Out Boy qu'on a négocié avec Pete Wentz des Fall Out Boy qui était avec nous il y a une vingtaine de minutes. Bon, on y va Jennifer, on appelle ta mère et bien sûr... Alors, attends, on est censé être à quel commissariat? Vous êtes à la gendarmerie d'Annelin. Gendarmerie d'Annelin. Voilà. Ok, et l'accident a eu lieu où? Je vais lui dire qu'en fait je revenais et que le fourgon était garé, donc vous étiez dans le fourgon, vous faisiez des contrôles et moi je me suis portée en fait dedans. Mais où ça? Je sais pas, près de l'église d'Annelin. Près de l'église, bon, dans le quartier quoi. Très bien, ok, on y va. Pas loin des boulangeries quoi. Non, plutôt en face de la gendarmerie, c'est encore mieux. Ok, très bien. Il faut être con pour aboutir un combi de flics devant la gendarmerie. Je pense qu'il faut être con pour habiter à Annelin. Oh, t'en sais rien. Pour rire, t'en sais rien. C'est pour rire. Tu choisis gratuit. Pas en plus. Hein. C'est vrai. Oh, allô. Papa. Ouais. Maman, elle est là. Ouais. Pourquoi? Tu peux me la passer? Pourquoi tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me parler? Non, il faut que je lui parle en fait. Ouais. Je vais dire un truc. Ouais, attends, je l'appelle. Il a pas l'air. Je veux pas me faire gronder par papa, mais par maman ça va. Mais il a pas l'air cool. Oh non. De toute façon, il va s'en mêler un moment. Hein. Allô? Maman? Ouais. Ouais, je t'appelle, dis... Voilà, en fait, je t'appelle parce que j'ai un problème. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, en fait, je t'explique, c'est... En fait, je revenais de chez Céline. Ouais. Et en fait, j'ai eu un drôle de truc, c'est que je me suis plantée en fait en voiture avec ma voiture. Putain, dans... c'est pas vrai. Ouais, ne quittez pas, oui. T'es pas blessée? Mais... Non, j'ai rien moi, mais en fait le problème c'est que j'ai foncé dans une voiture de flic. Il vous l'a pas fait. En plus. Punaise, hein. Ah ben papa, il va bien gueuler, hein, je te le dis. Non mais. Yann est avec toi? Quoi? Yann est avec toi? Non, il est pas avec moi, j'étais partie voir Céline. Bon, René, là, tu peux prendre le téléphone, là. J'ai pris le téléphone là tout de suite, hein. Je peux décrocher. Le problème, c'est que je suis en garde à vue parce que je me suis embrouillée avec les flics, parce que... Et j'ai pété un nerf quand j'ai vu ma bagnole. Madame. C'est tout. De quoi? T'es en garde à vue, ils sont pas bien, eux? Bah ouais, parce que en fait je me suis embrouillée avec eux et puis bah ils m'ont embarqué parce que pour insulte en fait envers eux. Envers ça s'appelle. Ouais, y'a qu'à me le passer. Passe-moi le toi voir lui. Ça va pas, non? Et en garde à vue, t'as pas tué. Bon, mademoiselle, comment ça se passe au téléphone là? Vous avez pas resté toute la nuit à nos frais, hein? Bah ma mère, mes parents, ils veulent vous parler. Ah bon, bah passez-la moi. Allô? Allô, bonjour. Bonsoir, monsieur. Bonsoir madame. Ben comment ça se fait que vous voulez emmener ma fille en garde à vue? Ça va ben pas, comment ça? Vous vous plaisantez ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a embouti le fourgon? Non, c'est pas une raison, non. Attends, on va où, là? Qu'est-ce qu'il dit derrière, là? Qu'est-ce qu'il dit derrière? Qui c'est qui est là? Ouais, c'est ton père, et alors? Bon, bah alors, qu'il vienne prendre le téléphone s'il a peur. Non, mais alors, c'est incroyable. Il parle comme ça aux forces de l'ordre. Moi aussi, je peux demander à mes collègues de parler loin, hein, et faire semblant, là. Ouais, bonsoir, monsieur. Eh, faut pas croire que... Tout bon. Sur vous, là, non mais bonjour monsieur, déjà vous dites. Ouais, bah, déjà bonjour, alors qu'est-ce bon. Que c'est alors, alors qu'est-ce que c'est que ce soir? Je vous explique en deux mots. Votre fille qui était un petit peu éméchée a pris le volant, déjà ça se fait pas. Non attendez, oh, vous me faites quoi là? Ma fille éméchée, pourquoi pas droguée? Non, elle a jamais oui, pistolet, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi on l'a fait souffler dans le ballon il a donné les résultats qu'il a donné. Hein. Ouais, bon. Vous êtes sûr que c'est pas vos ballons à vous que vous balancez après, non? Comment monsieur? Non mais vous. Ah ouais, non mais vous plaisantez monsieur, vous savez que vous êtes en train de parler à un adjudant là ou quoi? Là, je parle à qui je veux, je suis en autorité, je suis en liberté ici. En oui, bah profitez-en, ça va pas durer. Ouais, bah ça dure le temps que ça dure, maintenant si ça va pas. Bah je vous le confirme. Bon alors, monsieur. C'est quel commissariat? Il va arrêter de gueuler, ouais. Bon monsieur, je vous le dirai quand vous serez un petit peu calmé. Monsieur. René, reste calme. Mais vous faut pas me chercher à moi. Bon, monsieur. Tu vois qui c'est qui gueule le plus fort, hein? Bon, reste calme, René. Bon, monsieur. À mon avis, il y a de la picole aussi, le copain, là, à côté. Tu te prends pour qui, toi? Oh, c'est pas de la picole, monsieur, rassurez-vous. Ah non, bah non, c'est quoi? C'est de la shoot? Peut-être. Bon, bref. Ouais, bon. Bah, peut-être, ah, bah putain, vous êtes pire que les sbires à Sarkozy, là. Bon, monsieur, un petit peu de respect, s'il vous plaît. Il y a respect, respect. C'est le président. J'ai respect aussi, moi. Alors, un peu de respect. Bon, monsieur. Moi, c'est le respect. Alors, maintenant, donnez-moi bon, le commentaire. Monsieur. Maintenant, je débarque bon, là-bas. Vous savez quoi? Tu vas arrêter tes conneries, sinon tu vas prendre un outrage à un jour aussi, hein. Monsieur, ouais, je vous rappelle quand vous serez calmé. Je vous rappelle quand vous serez calmé. Au revoir, monsieur. Michael, le podcast. Alors, je pense qu'il faudrait peut-être, je sais pas. Faut l'énerver, ce mec-là. Bah oui, mais t'as pas besoin de faire grand-chose, il s'énerve tout seul. C'est ça, ça marche tout seul. Hein. Bon, on le rappelle. Parce que je m'en prends plein la gueule, moi, ce soir. Faut quand même dire que c'est sa fille qui est en tort, hein, c'est à vrai. La base. Oui, en plus, c'est vrai. Ouais, allô. Allô, monsieur. Ouais. Bon, ravi que vous vous soyez calmé, hein. Ouais, ouais. Bon, parfait. Bon, alors, est-ce que vous pouvez venir chercher votre fille? Ouais, bien sûr, mais il faudra peut-être me passer l'adresse. Là. Oui, alors, il y a pas de question. Je vais vous passer. Oh, et Roger, calme-toi un peu, là. Il y a pas moyen de... Bon, d'arrêter de gueuler derrière deux minutes. Je vais vous. Oui, mais bon, on est encore dans le même tempo que vous les aviez laissés avant que je vous raccroche. Hein. Ouais, bon, je vais vous donner l'adresse dans un instant. Par contre, comment ça se passe si vous voulez pour allez, comme pour qu'on s'arrange quoi. Y a pas de blessé, y a rien. Non, y a pas de blessé, mais enfin. Alors, c'est de la tôle, les points barres. Oui, bah je vous confirme, c'est de la tôle. Bon. Bah, alors voilà. Bon. La ouais, alors, écoutez, calmez-vous. Bon, excusez-moi. Non, mais pour l'instant, moi, je suis calme. Il y en a un qui arrête pas de brailler. Oui, derrière, je sais. C'est un prisonnier. Ah bah, c'est lui qu'il faut calmer un peu. Je sais pas moi. Non, mais on vient de le chercher ce soir. Bon, là, il est encore sous l'effet. À première vue, vous êtes des habitués pour calmer les gens. Oui, bah je vous confirme. La preuve, regardez, vous êtes calme. Bon. Non, je suis pas calme. Non. Bon. Non, je suis pas calme du tout. Là, bon, monsieur. Alors, comment est-ce que vous pouvez venir avec un petit liquide, chèque? Un petit rien du tout, hein. Comment ça? Je vais venir avec un petit constat, on va faire un constat. Un constat de quoi? Bah, le constat, ouais. On l'a fait, mais on pourrait le déchirer, c'est pour pas laisser aucune charge sur votre fille, quoi. Non, moi, ma fille, elle a assuré correctement, donc il n'y a pas de lésaire apparemment. Elle a assuré, mais pas contre l'alcoolémie au volant. Le problème, c'est que l'assurance, elle couvre pas quand vous êtes alcoolisé, si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais justement, je me demande là, s'il n'y a pas autre malaise, justement, à croire. Ah, bah ça, malheureusement. J'ai l'impression que vous voulez cacher quelque chose, peut-être, non? Mais pas du tout. Mais je vous rappelle que de toute façon, nous sommes assermentés et que. Ouais, mais moi aussi, justement, je suis assermenté. C'est ça, peut-être que vous faites l'erreur, là. Ah bon, et vous avez. Vous... Oui, j'ai l'assermentation aussi, moi. De quoi? Moi-même. J'ai une double assermentation. Bon, vous êtes quoi? Assermenté de quoi? Moi, je travaille pour la police du métro. Ah oui, bon, donc là, j'ai une double fermentation aussi. Donc maintenant, peut-être on va peut-être faire des choses au clair aussi. Ça nous fait peur. Mais non, mais... Maintenant, je vais vous donner une autre chose aussi. Mais non, mais la police du métro, c'est comme si on compare un Rottweiler avec un caniche. Ouais, bah c'est ça exactement. Moi, je suis Rottweiler, je vais vous bouffer le cul là, pour l'instant. Ah bah non, là, je crois pas, non. Non, bah c'est bon, si vous voulez pas voir. Bon, alors. Par contre, j'ai autre chose à vous dire aussi. J'ai un très bon pote à moi qui est lieutenant gendarmerie. Là, j'ai prévenu déjà. Là, il va débarquer chez moi et on va venir régler les comptes maintenant avec vous. Eh bah, c'est parfait. Alors maintenant, s'il vous plaît, vous me donnez votre adresse. Vous me donnez l'adresse du commissariat exactement comme ça j'ai mis à vous. 21 rue du con. Oh René, allez décroche le téléphone plutôt que de dire des conneries là. Putain, comment il prend les nerfs ce mec derrière. Bon monsieur, si vous venez avec votre ami là. Ouais. Vous venez avec une petite bouteille. Non, j'ai surtout avec de quoi vous mettre à la page tout de suite vous deux. À la page. Ouais, à la page. À la page de quoi. On va voir ce que ça fait des tribunaux pour la police maintenant. Mais qu'est-ce que vous dites là. On va mettre la police un peu dans le chemin aussi. Mais vous ne savez pas ce que vous dites. À mettre des PV, à faire le pantin de Sarkozy, à mettre des PV à jouer avec ses jumelles, c'est tout ce que vous savez faire. Bah dites-moi monsieur, arrêtez un petit peu là, je sais que vous avez voté pour Sarkozy, mais tout de même, ce n'est pas le cas de tout le monde. Je vous repasse votre fille. Mademoiselle, venez, s'il vous plaît, je vous passe le téléphone, votre père. Rassurez-vous, j'ai calmé votre père. Allô, papa. Ouais. Et ouais. C'est quoi ces deux sbires là. Ils sont bourrés ou quoi les deux guignols là. Bah, je sais quoi, pas, ces gadjos, ils sont bizarres. Non mais en fait, depuis tout à l'heure, en fait, je sais qu'ils sont bizarres. Ouais, ils sont bizarres. Non mais à mon avis, ils sont défoncés ou quelque chose comme bon, ça. Bon allez, je t'en remets la petite sœur. Putain, c'est pas possible. Putain, mais dis-moi où t'es, bordel de merde. Dans quel commissariat t'es là. Bah, à Nolin. À Nolin. Ouais mais je sais pas où Anola, c'est ça, Anola, c'est quoi Anola. Bon, repassez-moi le téléphone, allô. Allô. Ouais. Bon, je vous ai prévu un petit verre, hein. Parce qu'on est comme ça, nous on sait recevoir les invités, nous. Eh, vous avez pas fini deux minutes, bordel de merde, putain, attendez, vous avez traumatisé cette gamine, là. Mais comment ça, c'est vous qui êtes en train de la traumatiser, à crier, là, elle a peur, elle est terrorisée dans le fond de la cage. Traumatise, attendez, elle doit vous voir dans un état lamentable, vous êtes bientôt à terre, là, c'est à croire. C'est pas parce qu'on a fait péter une petite bouteille de champagne. Parce que malgré tout, grâce à vous, on va avoir une nouvelle fourgonnette. Alors j'ai demandé à avoir le GPS dedans. Alors vous allez voir, on n'aura pas le GPS. Ça fait deux fois que je le demande. Qu'est-ce qui paye. Qui la paye avec mes impôts, la fourgonnette. C'est parfait. D'ailleurs, ils vont augmenter. Ouais, justement, ils vont augmenter. C'est pour le GPS. Travailler plus pour gagner plus. Et c'est ça qui doit défendre l'État français. Bah putain, on est mal barré avec vous. L'État, pas les tout. On est mal barré avec des mecs comme vous. Non, mais vous pensez que j'aurai le GPS dans la fourgonnette. GPS, je te le fous avec quelque part, tu vas voir. Non, parce que c'est plus pratique quand on arrive dans les interventions. Ouais, bah tu vas voir, tu vas trouver le chemin tout de suite de l'intervention quand j'ai arrivé, moi, tu vas voir. Tu sais, t'as beau avoir un kipi, ton matin après, tu vas voir où tu t'arrêtes de moi, t'exciter dans le vent. Oui, là. Voilà, oh là là. Pas possible. Qu'est-ce qui est chiant. Non, mais restons calme. Y a pas mort d'homme, hein, comme on l'a dit, c'est que de la tôle. C'est pas croyable, c'est pas mort d'homme, y'a pas mort d'homme. Non, mais attends, c'est bientôt du chantage. Attends, c'est quoi ça. On va arracher constat, on va mettre du petit pognon. Bon, monsieur. Ouais. Bon, excusez-nous, c'est vrai qu'on avait picolé un petit peu là. Bon, écoutez, faisons comme si rien ne s'était passé. Je vous ramène votre fille, vous ne faites pas venir votre ami. Ouais, c'est ça. Et vous me filez un chèque pour réparer la bagnole aussi, non. Ah bah non, elle rentre. C'est elle qui est rentrée dans la voiture, faut quand même pas abuser. Si vous aviez picolé un petit peu, justement, vous êtes 100% tort là. Ah non, la voiture a été garée, hein. Notre fourgonnette, elle était garée, on était même pas dedans. Mais enfin, vous étiez dedans et vous étiez bien raide. Bon, alors on est d'accord, je vous la ramène et puis on fait comme si de rien n'était. Non, y a pas. Ah si, allez, s'il vous plaît. Allez, Non, y'a pas ça, c'est trop facile ça, on claque des doigts et vas-y, on claque l'affaire comme ça. Non, allez, s'il vous plaît. Pas claquer l'affaire. Non, mais ça on va. On aller loin là, j'allais très loin là dans cette affaire là. Bah, vous allez aller jusqu'à où. Jusqu'au commissariat quoi. Non, j'allais plus loin que le commissariat, ça va monter plus. Ah, mais c'est plus con parce qu'à ce moment là, vous serez à la boulangerie. Et... Oui, voilà, c'est dommage. Beaucoup plus haut aussi ça. Non, mais allez, s'il vous plaît, je vous fais péter un petit verre. Je vous offre une bouteille de champagne. Vous avez ma fille, deux minutes. Vous avez ma fille à côté. Vous lui demandez les connaissances que je peux avoir. Oui, alors. Vous lui demandez le monde que je connais. Bon, attendez, mademoiselle, qu'est-ce qu'il a comme connaissance. L'avocate, elle va débarquer. Elle dit que vous avez rien comme connaissance. Hein. Il va fermer sa gueule. Oh là là. Lui aussi va fermer sa gueule, espèce de trou du cul. Oh, outrage à Jean, outrage à Jean. Outrage à Jean, outrage à mes couilles. Ça va chercher loin. Ça va chercher très très loin, monsieur. Très très loin. Bon putain, maintenant donne-moi l'adresse, bordel de merde. Eh bah, c'est un rue de ton cul. Oh, René. Bon, Jennifer. Jennifer. Oh non, oh, là. Jennifer. Oui. Bon, dis-lui, parce que là. Non, mais dis-lui en antenne, attends, c'est bon, débarrasse-toi de ça. C'est pas possible ça. Non, mais attends, on va se faire défoncer là. Bon, Jennifer. Oui. Bon, dis-lui là. La vérité, hein. Papa. Ouais, quoi. Calme-toi. Quoi, calme-toi. C'était une connerie. De quoi, c'est une connerie, tu fous ma gueule ou quoi là toi. C'est quoi ta connerie là. Mais c'était une connerie, c'est une blague. Une blague de quoi. Non mais attends, c'est quoi ton cinéma là. C'est quoi ton business là. Calme-toi, je t'ai dit, t'es sur énergie là. Oh Oh putain, tu fais chier, toi, putain. T'es... Non, mais arrête de t'écouter. C'est quoi ta vanne, non, merde. Putain, c'est pas vrai. Écoute. Voilà. C'est quoi ce connerie, j'ai essayé de dire qu'on s'excusait, mais mais ça a pas marché. Voilà, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio, papa. Et ta fille est très joueuse. Voilà, elle voulait jouer. Bon, c'est elle qui a décidé de jouer. Hein. Nous, on a essayé tant bien que mal de lui dire non, mais elle a insisté. Elle est malade, c'est pas possible à la radio là. Bon, grâce à ça, on connaît ton avis sur Nicolas Sarkozy. Voilà. Ça c'est bien. Franchement, à 25 ans, Jennifer, t'as rien d'autre à foutre. T'as pas des études. Mais non, mais elle est malade aussi. Mais oui, elle est folle. Bon, papa. Allez, on va trop donner le sourire. Je vais être bon prince, je vais être gentil. Pour une fois. Comme hier, on n'a pas eu l'occasion de faire le jeu. Papa, je vais te filer un caméscope numérique. Un caméscope numérique pour moi? Oui, pour toi, oui. Non, t'en veux pas? Si, si. Sinon, je t'offre un abonnement, je sais pas, à une visite guidée de l'Elysée. Alors, ça, tu peux la garder. Merde. Bon, avec le caméscope, comme ça, tu pourras filmer. Ça, ça va être cool. Tu veux pas le caméscope? Si, ça te va. Tu veux le caméscope? Je prends le caméscope et l'Elysée, je vous laisse. À la rigueur. Putain, hein, c'est malade. Putain, je suis en transe, je suis en sûr, hein, comme un malade. Ça tellement vous mettre. Eh, mais on s'est bien marré, tu nous as bien fait rigoler. Hein. Oui, on a bien rire. Ouais, enfin, moi, ça m'a pas fait rire. Bon, et Jennifer, tu veux quoi, toi? Moi, j'ai entendu qu'il y avait la PS3 avec le jeu. Ouais, bah la PS3 avec PES 2010. Putain, allez. Ah bah, je veux bien, franchement, merci. Allez, on fait péter. C'est Noël avant l'heure. Effectivement, là, t'as été très gentil. Hein. Je sais, tu pouvais être comme ça un peu plus souvent. Merci, Mickaël. Bon, Jennifer et papa, bonne soirée. Bah écoute, merci beaucoup. Alors. Et restez au... T'as dit merci. Et maintenant, il nous dit merci. Et je vous passe le standard pour prendre vos coordonnées pour vous envoyer tout ça très très vite. Mickaël, le podcast. Et on fait péter directement le Mac du jour. Un tour de l'actu condensé, revu à notre sauce. Et on attaque tout de suite avec le premier titre dans l'actualité de ce vendredi 22 janvier 2010. Un peu de réconfort pour les Haïtiens après la seconde secousse qui a ravagé le pays. Quelques cinémas sont miraculeusement restés debout. Et surprise, c'est le film 2010 qui est premier au box-office en Haïti. Par contre, je crois que c'est 2012 le film. Non, la version haïtienne s'appelle bien 2010. Effet divers, la SPA australienne aurait trouvé à Brisbane un perroquet avec un don plutôt insolite. Il serait capable d'imiter le bruit d'un téléphone portable. Oui, et pour décrocher, il faut lui mettre un doigt dans le cul. Oh non, Toff, en général on décroche pas quand il y a un perroquet qui sonne. Pas faux. Enfin, on s'émerveille sur un perroquet qui imite un portable, mais rendons plutôt hommage à Haïti, hein, un pays qui imite un shaker. Ça c'est une. Ah ouais, je suis d'accord. Et bravo. C'est... Bon allez, on passe au con du jour maintenant, et c'est le con du roux. Oui, tout à fait. Mon con du jour est allemand et il n'est pas seul puisqu'ils sont 8. Mais 8 cons en fait ont décidé de battre un record comme ils sont allemands. On aurait pu croire qu'ils auraient essayé de battre le record du bouffage de choucroute ou celui de la saucisse ou de celui qui boit le plus de bière. Mais non, ils ont décidé de manger un truc plus exotique. Ah. À votre avis? De l'ananas. M'en fous de votre avis, ils ont décidé de boire du tabasco. En fait, ils ont décidé de boire du tabasco, mais un tabasco 200 fois plus pimenté que la normale pour voir qui serait le plus courageux aussi pour voir qui était le plus con. D'accord. Et à votre avis, j'ai gagné. On s'en fout de notre avis. Non, j'écoute. Un petit détail, en fait, ils ont entre 13 et 14 ans et n'ont pas supporté le tabasco. Ils se sont sentis mal et ils ont été conduits à l'hôpital. Voilà. Mes cons, en fait, sont défoncés les bides. Heureusement, leurs jours ne sont pas en danger. Bah, putain, mais quel monde de production, on dirait Toff. Non, mais tu sais, tu on dirait Toff et Roux avec leurs conneries, leurs jeux à la con. Là. Vous devez vous dire que c'est pas si violent que ça de manger du tabasco. Bien, juste pour votre culture, sachez que sur l'échelle de Scoville, de la force des piments, ah ben c'est une vraie échelle, small hein. Rien à voir avec Prison Break. Le tabasco qu'ils ont ingurgité atteint 535 000 contre 2500 pour un tabasco normal. Ah oui, ils sont bien fait péter le bide. Faites attention quand vous essayez de battre des records, ça peut être dangereux pour la santé. Très bien. Bon, vieille phrase moralisatrice. Ouais, c'est bon. Allez, sport maintenant, football. Le Paris Saint-Germain pourrait avoir un nouveau stade. Hein? Ouais, non, enfin un nouveau nom de stade en fait, comme beaucoup de clubs en Europe. Une marque pourrait payer pour associer son nom à l'enceinte sportive. Mais comme l'Allianz Arena ou le MM Arena. Voilà, mais alors évidemment les supporters de Paris ne veulent pas en entendre parler, ils veulent garder le nom mythique de leur stade. Ouais. Bah ils vont pas vraiment avoir le choix, hein. Ils ont besoin de thunes à Paris. Hein. Bah ouais, donc du coup ils vont devoir trouver un compromis. Hein. Résultat, le Paris Saint-Germain jouera peut-être au Parc des Princes de Lu. Allez, J-2 avant la rencontre entre les Fennecs et les éléphants en quart de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la CAN ou le nouveau film du Roi Lion? En tout cas, moi je suis sûr que les éléphants vont les écraser. Ouh là là, voilà. Non, sois pas si sûr, on m'a dit que les Fennecs avaient beaucoup de mordants. Bon, et calmez-vous, hein, c'est pas un combat d'animaux, c'est Algérie qui joue contre la Côte d'Ivoire. Ah bah alors c'est les Algériens qui vont gagner. Bah, pourquoi tu dis ça, Roux? Bah les autres, ils y voient rien. Waouh. bah très bien. C'est fait donc hein. Allez, passons aux citations du jour maintenant. Qui a dit Ségolène Royal, à quoi qu'on en pense, un charme fou, pas simplement parce qu'elle est belle, mais c'est une star. En plus, aveugle. Elle a une acuité politique. Non, c'est Michel Rocard. C'est l'autre qui parle comme ça là. Philippe Lucas. Non. Moustapha. Sophie Favier. Mais non, son ami là. L'ancien ministre de l'Éducation nationale. Ah non, Darcos. Non. Non. Xavier Bertrand. Non. Xavier Darcos, c'est pas Xavier. Ah non, mais non, c'est pas le ministre. Édouard Balladur. C'est Luc Ferry. Luc Ferry, bonne ah oui, réponse. Luc Ferry, hein. C'est un ancien ministre de l'Éducation. Qui a dit au bout d'un moment, les filles d'une nuit, ça ne rend pas vraiment heureux. Gynéco. Non, bah il faudrait qu'il s'en rende compte pour ça. Ouais, Gynéco, ouais. Non. Clounet. Non. Au bout d'un moment, les filles d'une nuit, ça rend pas vraiment heureux. Rugby. Ah bah rugby. Mathieu Bastaro. Non. Michalak. Michalak, bonne réponse. Et enfin, merci la dernière. Pablo. Sale. Ah t'es mauvais comédien, arrête. Qu'est-ce qu'il est ouais, ouais, arrête un ça. Peu toi aussi là. Qui a dit j'ai créé un soutien-gorge qui donne l'impression de que vos seins sont énormes. Paris Hilton. Paris Hilton, bonne réponse. Merci Pablo. Non, la dernière, c'est mon style, c'est tout mon style. C'est ça. Paris Hilton, effectivement, c'est une bonne réponse. Voilà, bah, c'est le Mac du jour qui touche à sa fin. Autre Mac du jour, un autre jour. Michael, le podcast. Petite histoire drôle, c'est une Polonaise qui s'appelle, alors je sais pas pourquoi il y a le nom parce que c'est un peu compliqué à prononcer, Aneta Florzik. Je crois que ouais, ça se dit comme ça. Ouais. Polonais, de toute façon. Bon bref, qui en gros on a eu assez de ne plus trouver de place donc dans son appartement pour ranger ses casseroles et ses poêles. Et d'après vous, quelle solution a-t-elle trouvé? Elle les a mangées. Non. Elle les a cachées sur la tête de son mari. Elle les a jetées. Bon, alors, donc, c'est une jeune fille donc, de 25 ans, parce qu'elle a 25 ans, donc Aneta, qui a raflé à 3 reprises le prix de la femme la plus forte du monde, a mis à profit sa capacité à tordre des poils simplement avec ses mains. Ah. Non, avec ses mains. Tu devrais essayer avec les seins, toi. Ça fait très mal, hein. Ah, mais ça fait très mal. Non, parce qu'il y a une meuf, elle éclate des pastèques avec ses seins. Quoi? Oh, c'est... Bon, attends, il y en a bien qui cassent des noix avec leur cul. Ouais, alors. Mais ça, à la limite, c'est des fesses musclées, mais c'est pas un muscle, les seins. Elle les prend chacun dans... Enfin, elle les met dans ses mains, les seins. Elle doit avoir... Je propose qu'on essaye lundi avec les seins. Ah oui, c'est plus des seins, c'est... Des obus, là. C'est des obus, ouais. C'est... Bon, on peut essayer avec une petite pastèque, avec un raisin. Avec des noix. Bah, on essaye avec ma queue. Je mets ma queue. Avec tes seins, hop là, entre les deux. C'est ça, ouais. Bon, bref, donc on a mis la vidéo sur le blog de l'équipe pour que vous puissiez aller voir un petit peu ce que ça donne. C'est quand même impressionnant. Elle fait quoi? Bah, elle casse la poêle. Elle la casse? Oui, avec les seins. Non, je dis n'importe quoi, je mélange tout là. Avec ses mains, pardon, voilà. Donc, ce qui est très difficile à faire. Hein. Ce qui est très difficile. Donc, alors, est-ce que quelqu'un est capable de le faire ici? Le roux, il a fait de la salle, lui. C'est vrai. Allez, roux, sois fort. Allez. Ah, j'ai vu la vidéo. Ouais, il a fait de la salle et tout. Il y a une technique, sûrement. Ouais, en fait, il faut la rouler. Ouais, parce qu'en fait, elle se roule la poêle sous les aisselles. Bah, fais avec tes aisselles, hein. Peut-être l'odeur elle va aider. Avec ses petits doigts, il va se casser les doigts. Surtout que j'ai mal partout là. Roule un bédo. Parce que tu veux rouler la poêle. Roule une poêle. C'est le roule, essaie de la plier en deux. C'est pas une pizza hein. Bah je fais comme je peux, j'ai jamais plié une poêle de ma vie. Tape sur la tête de Toff pour voir si ça plie. Non ça va aller ça. Non pas avec les pieds, elle fait qu'avec les mains. Ouais mais bon, avec les mains, nous on n'est pas elle hein. Si je suis mieux mais bon. Non mais bon, peut-être que t'as pas de force. Non mais fais avec tes pieds, essaye de tordre sur le côté là. Elle prend appui sur sa cuisse sur la vidéo. Ouais. Ah bah voilà. Ah oui ça change tout. Et elle est debout. Alors la roue se lève. Elle a des bras 2 fois plus épais que les tiens. Oui ça aussi c'est ça le problème. Elle prend appui sur sa cuisse pour la tordre avec l'aisselle. Non ça c'est une vanne l'aisselle. Quel intérêt. Et il essaye, il est... Ça fait mal. Bon, qu'est-ce qu'il fait là? Faut quand même savoir que la meuf, juste un bras, c'est le corps tout entier du roux. Moi j'ai vu qu'il y avait une avancée, ça se voit pas, mais j'ai vu qu'elle était un peu tordue. Ah ouais, ouais ça se voit pas. Attends, hein, bien, on va essayer à 2 roues. Oh là là là là là là là là. Le roux, il a appuyé tout son poids sur la poêle et il se passe rien. Si, il se passe quelque chose. Ah oui. J'ai bien une idée en fait pour le faire. C'est comment faire? Il faudrait la mettre contre le mur. Non. Non. On a déjà fait ça il y a 3 ans. C'est ça, on a déjà fait ça à 3 ans, ça va le passer. Il faudrait la chauffer au préalable. Bah ouais. Non, même pas, après tu te brûles les mains. Ah merde. Je suis pas sûr que la polonaise elle est fait ça, elle est chauffée. Oh regardez les deux. Non mais Google. Je pense que même à 10 vous arriverez pas. Éclater le menton. Et alors il va se prendre la poêle dans la gueule. Faites gaffe. Ah, ça que Toff et Roux prennent la poêle chacun d'un côté, ils essaient de la plier à deux. Ouais, mais ça n'a pas eu vraiment balèze. Il ne sait rien par ça. Ça n'a pas eu l'effet escompté hein. Mais Polo lui il a des gros bras là, il essaie de la plier pour voir. La graisse. C'est de la graisse, quel con. Bon vas-y essaye. Est-ce que c'est Des bodybuilders. Non, des poils en plastique. De mauvaise facture, en fait. Ah, peut-être, ouais. Mais c'est là aussi, à mon avis. Hein. Non, j'ai le ticket encore. Hein. Qu'est-ce que t'en sais qu'elle a? Non, mais il doit y avoir un point sensible sur la poêle. Hein. C'est comme les hommes. Hein. C'est vrai, c'est possible. C'était beau, hein, ce que j'ai dit. Ouais, c'était beau, ouais. Peut-être au niveau de la queue, comme les hommes. Ouais, c'est ça. Peut-être que c'est la queue qu'il faut peut-être branler, je sais pas. Alors? Bah, essaye de branler la queue, Polo. Allez, je te mets de la musique pour t'entraîner. C'est du téfou. Ah ouais, avec ça, ça va s'entraîner, ça va l'entraîner, ça c'est clair. Hein. Non, il arrive pas. Hein. Mais c'est hyper dur. Non, ça va pas. Mais toi, tu t'y connais en poil, Mike. Essaye. Je vais pas y arriver si Polo y arrive pas. Ou alors, il faut. On arriverait peut-être avec une voiture. Ouais, mais avec une voiture, ça change tout le jeu. Quoi. Ah, le problème c'est que ça fait mal aux mains. Ça fait mal aux mains, ouais. Aux mains, ouais. Et elle a pas mal, hein. Ah non, bah, elle a pas mal, c'est-à-dire qu'après elle peut la fumer la poêle. Hein. Attends. Elle peut la fumer la poêle. Mais avec beaucoup de tabac. Avec du tabac. Beaucoup, non, bah, beaucoup, ça plie pas, hein. Non, ça plie pas. T'as compris, toi? Regarde, attends. Non. Mais si, parce qu'il a roule la poêle, alors après il peut la fumer. Non, mais non, ah, mais non, mais non, mais non. Il a cassé la poêle. J'ai réussi, monsieur. T'as cru que c'était son bras ou quoi, Pedro? Ouais. Oui, j'ai cru que c'était pété un os. C'était le bruit d'un os. Oh là là là là là. Bon ben voilà. Hein. Bon ben non seulement on n'aura pas réussi à plier la poêle, mais en plus on l'aura pété. On a pété la poêle. Bah si, c'est-à-dire que même encore, pas, hein. On peut même pas la rapporter. Si, si, tu mets du scotch et c'est bon. Tu mets un point de colle, personne voit rien. Non mais vas-y. C'était une poêle de mauvaise facture. On l'a payé combien? Non, j'ai le ticket. Je sais pas, 10 euros, 15 euros. 15 euros? Bah c'est une poêle. J'espère que t'as gardé la mauvaise facture de la poêle pour te faire rembourser. Non, non, mais vas-y, file-moi un pot de colle et je te la répare le truc, hein, on va la ramener. Hein. Enfin quoi, tu me diras, elle est complètement rayée au milieu. Ouais, sûr qu'on l'a racheté, va, là, ça va. Bah, on a qu'à dire qu'on l'a acheté comme ça. Non mais ouais, attends, voilà, écoutez, monsieur, je suis désolé, mais hein, j'ai failli me brûler, moi. Mais monsieur, ça sent le steak, vous avez fait à manger dedans. Mais non, on l'a acheté comme ça. Mais non, mais pas du tout. Mais oui, je vous dis que non. Enfin, j'ai pas prouvé que je l'ai utilisé. Jamais. Exactement. Mickaël, le podcast. On va dans un instant faire le sexy quiz. Ah, voilà, ça c'est pour faire plaisir aux roues. Ouais. On ira chez Jean-Claude au fucking Blue et Boy. Et puis bah tu t'en branles. Ouais, mais moi mon plaisir c'est quoi? J'ai enlevé mes jambes de la table. Ah bah t'auras, j'en sais rien, tu t'arrangeras avec Toff après l'émission. Une crêpe. Ouais, mon cousin dire genre. Ah oui, une crêpe, ouais. Bah je veux bien, mais Toff il voudra pas. Tu me suces, je te paye une crêpe. Voilà, tu vois. Oh, tout de suite, frère, c'est... Oh là là là. Tout de suite. Hein. Bon allez, tu me branles et je veux bien payer. Oh. Bon, on a monsieur, je l'avais dit au les début. Les femmes en radio, c'est vraiment un métier très difficile. C'est hein. Ça, c'est ça. On l'avait donc, je l'avais dit en début d'émission, monsieur Zomborombor qui est avec nous, bonsoir. Oui, comment tu vas, tout le monde? Comment tu vas, Zomborombor? Je t'ai manqué à tout le monde. Hein. Oui. Oui. Oui, oui, bon, vite fait, mais bon, qu'est-ce que vous devenez? Oui, par contre, c'est pas monsieur Zomborombor encore. Tu t'es trompé, c'est Jean-Louis. Voilà, en fait, c'est un prénom composé qui vient d'Europe occidentale, voilà, de l'Asie du Sud-Est, hein, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Bon, alors, monsieur Zomborombor, vous avez encore souhaité apporter votre contribution sur l'identité nationale en donnant des conseils sur l'intégration. Alors, c'est encore Gilles-Louis, hein. Oui, bon, oui, bien sûr, monsieur Zomborombor. Tu taquines un peu. Oui, donc, je voulais donner un peu de mon savoir, hein, car je suis quand même diplômé de HEC. HEC, vous voulez dire? Oui, c'est ça, HEC. Et donc, j'ai quand même un doctorat de droit à l'ETNA aussi. L'ENA, je crois, non? Oui. Bon, donc, continuez. Oui, donc je disais par rapport à l'identité nationale. Hein, ouais. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce mot-là, hein? Il y a identité et national. Oui. Hein, et dans identité et national, qu'est-ce qu'il y a? Identité nationale. Il y a identité. Ouais. Eh oui. Et qui dit identité? Oui, bon, ben ça va, on a compris, monsieur Zomborombor. Hein. Non, c'est Gilles-Louis encore. Oui, bien sûr. Qui vient de remporter. Oui, on a compris. Et donc, qui dit identité dit la carte d'identité. Oui. C'est vrai, je l'ai raté. Ouais. Et donc, le national, je vous le dirai un peu plus pour la prochaine fois. Donc, si vous voulez être dans l'intégration, ouais, il vous faut un beau prénom. Ouais. Hein? Alors tu enlèves les prénoms comme Chipitera, Harakadam ou encore Barakatoum. Hein? Ouais. Et donc tu les changes. C'est même pas des prénoms, ça. Mais bien sûr que si, tu connais pas le Maroc. Non. Alors arrête de casser les couilles, merde. Hein? Bon, alors, tu les changes en J-François, en J-Pierre ou encore J-Marie. Ah d'accord, ok. Non, pas J-Marie, excusez-moi. Surtout pas J-Marie, parce que celui-là, j'ai envie de lui donner une bonne droite. Tellement bonne que ma droite, elle sera extrême. Tu nous as pas donné le même conseil la semaine dernière ou il y a deux semaines? Pas du tout. D'accord. Oui, non. Bon, bon, monsieur Zomborombor, d'autres conseils? Bien sûr, je peux t'en donner en veux-tu, en voilà. En veux-tu? Bah oui. En voilà. Eh bien, en voilà. Bon, le conseil numéro 2, les affaires. Oui. Ah oui, non, mais c'est pas possible de s'habiller comme ça avec des joggings. Oui. Hein? Depuis quand tu vas faire le marché, la promenade du chien, de ta femme, et depuis quand tu vas en jogging à la sécurité sociale? Non, non, non, non, c'est pas possible. Il faut mettre le couscous. Mais non, le costume. Ah oui, pardon. Comment tu veux avoir du travail si tu viens avec le jogging? C'est impossible. Oui, oui, c'est vrai que c'est pas l'idéal, monsieur Zamborombo. À la rigueur, la veste queer, comme les chanteurs de rail, ça passe très bien. Regarde Khaled, Cheb Mami, tout ça, ils sont très très beaux. Oui, oui, c'est vrai. Bon, et ensuite? Ensuite, le conseil numéro 3, donc try en allemand mérovingien de l'Asie du Nord-Est. Il faut s'adapter à la cuisine de la France. Oui. Ça suffit, les couscous, les tagines, les méchouis. C'est terminé. Même du boulot en dessert, à Oudlahlam, c'est fini. Il faut manger biothermique. Non, biologique, vous voulez dire, non? Oui, c'est ça, biothermique. Donc, il faut manger de la choucroute, du haché parmentier, du poutoufeu. Le jambon. Du poutoufeu. Ou encore des petits salés ou lentilles. C'est très, très bon pour la santé, ça. Et du jambon. Bah, pardon? Du jambon. Ah non, du jambon, non. Ah non, c'est impossible. D'accord. On n'a pas le droit, ça. Bon, un petit dernier conseil, monsieur Zamborombor. Ah, tu fais exprès, je m'appelle Gilles-Louis. En fait, c'est un prénom composé qui vient d'Europe. Oui, oui, on sait. Oh là là. Donc voilà, mon dernier conseil, il faut surtout savoir se faire discret. Alors, comment ça, discret? Je comprends pas très bien. Bah, tu fais bien discret, toi. Ah, des secrets? Oui, arrête de me reprendre à chaque fois. Oui, mais enfin bon, excusez-moi, mais... Mec, hein. Eh ben, c'est pas clair, hein. Je suis plus français que toi, ça, et vrai. Que toi réunis, hein. Ouais. Alors, je te souhaite d'être aussi français que toi, que moi. En fait, tu m'as compris, hein. Oui, on a compris. Donc, tu fais des secrets, par exemple. Tu dis surtout pas où tu es né, ou tu mens, tu dis que tu es né dans la Creuse. Ça passe bien, la Creuse. Attention, tu dis surtout pas la crise, hein, sinon tu vas te faire piéger. Donc, regarde mon ami Rachid. Il dit qu'il est né à Maison Lafitte et ça passe très bien, alors qu'en fait il est né à Oujda, l'enfoiré. Tu vois où c'est Oujda? C'est là, c'est à côté. D'accord, ok. Bon, merci monsieur Zamborombor. Attention, il faut aussi surtout parler français, parce que sinon personne ne va te comprendre. Ouais, hein. Bah ça c'est sûr, évidemment, hein. Bon, c'est tout, Gilles-Louis? Ah, j'aime quand tu m'appelles comme ça. Oui, ce sera tout. J'espère que tout le monde il a compris le conseil de l'intégration, sinon il risque la désintégration. Tu as compris la vanne? Oui, on a compris. Oui, on a compris, Gilles-Louis. Allez, merci monsieur Zamborombor. J'aime beaucoup ce que tu fais. Oui, bah c'est gentil, profitez bien. À tout le monde, hein. Ouais, parfait. Allez, parfait. Je t'embrasse tout le monde, hein. Au revoir monsieur Zamborombor. Au revoir. Oh là là, il est très gentil, hein, mais il est pas très gentil, mais ça n'est pas très très clair. C'est pas toujours très très clair, en fait. Ça va. Oui, bah ça dépend. Il vous a dit je t'aime, c'est bien. Ah bah c'est mignon. Je l'avais pas compris à la fin. Il a dit à la fin? Je t'aime. Ah oui, bah, j'ai pas entendu. Comme du magasin. J'y t'aime. Très bien. Ah oui, faut regarder Pyramide. Mickaël, le podcast. Nous allons faire le sexy quiz avec Pierrick et avec Stéphane. Oula, malheureusement, on n'a pas tapé. Mais non, la musique. On ferme avant qu'il arrive. Ah oui, il faut d'abord aller. C'est pas ouvert là. Il faut d'abord aller frapper la porte si c'est la musique, quand c'est ouvert déjà, malheureux. Bon, Pierrick. Il a laissé la fenêtre ouverte. Ah ouais, voilà. Bah oui, bah oui. Je viens de fermer, ça y est. Pierrick et Stéphane qui sont là. Bonsoir, comment ça va? Ça va, salut, c'est Stéphane, là, ça va avec la... On a fermé la fenêtre de l'extérieur. Oui, oui, oui, on est mieux, c'est plus sûr. Bon, Pierrick, t'as 19 ans, t'appelles de Béziers. Ouais. Et Stéphane, t'as 30 ans, t'appelles de Saint-Germain-du-Pinel. Ouais, c'est en Bretagne. D'accord, 35. Ouais, c'est ça. Et Pierrick, 34. Parfait. Bon, on va jouer au sexy quiz, vous connaissez un peu Jean-Claude ou pas du tout? Ouais, on le connaît, j'ai déjà été dans sa boîte, moi. T'as déjà été dans sa boîte? Ah bah très bien, il sera ravi. Ouais. Ah bah dis-lui au début, il va être content. Bon, bah on va y aller, hein. Je vous présenterai ou représenterai dès qu'on arrive, hein. Ah, on y est déjà. Le maintenant, il fait sa mi-journée. Oh là, là là. Putain, quel relou. Bonsoir Jean-Claude, on a cru que vous ouvriez, vous nous ouvriez, enfin bref, que vous allez fermer la porte, quoi. Ah mais non, tu faisais un petit peu de rangement. Ah. Qu'est-ce que vous rangiez? Mon cul, je faisais de la place pour ce soir. Ouais, non, bah ça ira, Jean-Claude, hein, vous emmerdez pas. Bon Jean-Claude, je vais vous présenter Pierrick et Stéphane. Bonjour mes loulous. Et surtout Pierrick vient de Béziers, comme baiser mais avec un i. Oh, comme c'est excitant tout ça. Ouais, bah écoutez. Ça me donne déjà envie de le retourner, ce cochon. Et l'un des deux est déjà un affilié, hein. Ah bon, retournez-vous, ouais. Que je vois vos petits culs. Un affilié. Ah oui, la salut boîte. Mon petit Jean-Claude, ça va bien? Mais oui, ça va, et toi mon loulou? Ah, ça va impeccable. Ça remonte à quand la dernière? Comment? Tu te rappelles bien du dernier coup, j'espère? Ah bah du dernier coup de bite que je t'ai mis. Voilà, tout à fait. Tu l'avais aimé celui-là, hein? Bah je suis relancé la balle après. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'aimais bien quand t'étais au fond, que tu me chatouillais les amygdales. Enfin, ça va, on n'est pas obligé d'entrer dans le détail. Ah bah attends, je me souviens, il était pas mauvais, un bel étalon. Je suis ravi de l'apprendre, mais on s'en fout. En plus, il est très très bien monté. C'est parfait. Bon, allez, continuez, Jean-Claude. Ah bah une seconde, hein, on se rappelle des bons souvenirs. Oui. Bon, bah Stéphane, je te demande pas si tu connais les règles, hein, Pierrick. Ouais. Est-ce que tu connais les règles de mon jeu? Oui. Bon, comment ça se passe? Vous posez des questions et on doit y répondre en prononçant notre prénom. L'air blasé. Mais non, il va dire que c'est pas ça. C'est presque ça, mais donc tu dois attendre que j'ai donné les propositions avant de créer ton prénom. Ça va aller? Ouais. Et s'il répond mal? Le fouet. Et s'il répond bien? Je lui lèche le gland. Oh. Ouais. Ah. Je savais que vous alliez aimer. Bon, vous êtes prêts mes loulous? On est prêts. Allez, on y va mes chéris. DJ musique. Alors, quel est le nombre mensuel? Charlie Oleg hein, qui mixe ce soir. Oui, j'essaye un nouveau DJ, mais il est pas très bon. Hein. Je crois que je vais pas le garder. Il a intérêt à bien me sucer ce soir s'il veut être payé. Bon, allez. Bon, alors, première question. Quel est le nombre mensuel moyen de rapports sexuels? Oui, j'ai fait un petit détour par le Portugal. Chez les couples de moins de 6 mois. Ah oui, c'est-à-dire les gens qui sont ensemble depuis moins de 6 mois. A 6, B 9, C 12 ou D 30. Pierrick, Stéphane. Pierrick, je t'écoute. 12, c'est une bonne réponse. Bravo. Qu'est-ce que tu es fort mon Pierrick. Deuxième question. Il y a un problème sur moi. T'as un problème toi, hein? Non, folle. Ce n'est pas de problème, mais si tu veux, on peut s'arranger. Bon. Deuxième question. Comment s'appelle le fait de placer son pénis sur la denture de sa partenaire tout en forçant sa joue avec le gland? Ça fait une bosse. A. Le baiser du castor. B. Le détartrage. Ou C. Le sourire banane. Pierrick Stéphane. Pierrick, je t'écoute. Le sourire banane. Le sourire banane, bravo. Stéphane, tu es très mauvais ce soir. Je vais être obligé de te punir. Bah, il faut lui enlever le statut gold. Tu vas être bien puni, mon cochon. Bon, troisième et dernière question. Charlie Oleg, il fait plaisir. Bon, c'est pour le plaisir. J'adore. Comment appelle-t-on un godemichet à deux têtes? A. Un deal double. B. Un double dong. Stéphane. C'est un fourre-tout ou D, un Janus. Stéphane. Stéphane, je t'écoute. Un double dong. Bravo. Il connaît, hein, Stéphane. Oui, il adore quand je lui mets bien au fond. Hein. En plus, il aime bien le double dong parce que c'est bien long et ça remonte bien loin. Ah oui, ça remonte bien. Tu es un gros cochon, hein, Stéphane. Ah, faut pas le dire à tout le monde non plus. Non, c'est vrai. Bon, tu me retrouves dans l'arrière-boutique, j'arrive. Hein. Comme ça, je démontrais la tienne derrière boutique. Bon, Pierrick, tu as gagné, quelle bravo. Quelle poésie, Jean-Claude. Mais oui, je suis un grand poète. Ah, c'est Pierrick qui a gagné? Mais oui, c'est Pierrick qui a gagné par deux bonnes réponses. Eh ben, bravo, Pierrick. Merci beaucoup. Tu retournes chez Micha au standard et puis on va prendre tes coordonnées. On va t'envoyer ton cadeau très très vite. Okay, enfin, merci. On va t'envoyer ton cadeau. Okay. Salut Pierrick. Ciao, à bientôt. Et Stéphane, bah, tu reviens quand tu veux, hein, d'accord? Ok, merci, salut les gars. Salut à toi, à bientôt. Ciao. Et Pierrick part avec un test de dépistage pour le cancer de la prostate. Ah ouais, c'est vous qui le faites? Évidemment, bien avec mes petits doigts. D'accord, ok, génial. Bon, Jean-Claude, on va vous souhaiter un bon week-end. Mais avec plaisir. Que la boîte marche bien. Ah, mais la boîte marche toujours, la mienne comme la... Enfin, ouais, vous voyez ce que je veux dire. C'est bon, il n'y a pas de problème. Ah bon? Si, on l'a compris, gros. T'es sûr? Ah oui. D'accord. Très bien. Au revoir. Mickaël, le podcast. Bah là, il est l'heure, hein, on va se faire péter de P.O.L.O. Show. On y va. Hey, I'm Sean William Scott. Let me listen to that. Polo show. Eat my ass. Fuck off. Merci à... Je sais plus comment il s'appelle d'avoir participé à ce polo show puisqu'il a fait un jingle et ça c'est... Ça se respecte, c'est ça les Américains, ils en ont rien à foutre. Bienvenue dans le polo show. Je suis Polo, je suis là pour vous aimer un peu le temps de quelques minutes afin de comment dirais-je, accompagner vos nuits. On écoute un peu de pub et on se retrouve après pour écouter les auditeurs venir nous prendre la tête un peu. Ça fait du bien. Énergie présente le nouvel album de Johnny Hallyday. Il revient en concert pour le bonheur de tous, où il revisitera ses plus grands succès. Je t'y promets le miel au Maroc d'Ibabouche. Pote Hamid, un salon de thé. Il fait le couscous à volonté. Oh Fatih, si tu savais ce qu'il y avait dans le narguilé. Et sa chanson poignante où il avoue enfin que la crise financière l'a aussi touché. On doit tous quelque chose à notre ami Ali. J'ai pas d'ami Ali. Johnny Hallyday en concert au Zénith de Paris le 30 avril 2013 et à l'Olympia le 32 décembre 2014. Johnny Hallyday en live, un événement énergie. Hey, how's it going? We're called Muse. And you're listening to the Polo Show. Et je comprends pas, on a des jingles quand même avec Muse et on les entend jamais. C'est vrai, on a toujours les vieilles pourritures de jingles qui datent d'il y a 4 ans. Bon voilà, Muse a aussi a participé au Polo Show et ça fait plaisir. Bienvenue dans le Polo Show pour ceux qui viennent juste de nous recevoir, comment dirais-je, de nous rencontrer. De nous rejoindre. De nous rencontrer. Bah déjà, c'est arrivé trop tard. On se rencontre dans le Polo Show. Qui est là? Allô? Ouais, salut Polo. Salut. Ouais, c'est Adil Kamka. C'est-à-dire que tu mon scania 33 tonnes, mais mon pote il a crevé, enculé. Alors qu'est-ce que j'y fais? Non. Bah, le gars, parce que c'est un gars, il va crever des plus. Eh. Bah, je m'en bats les couilles, moi, je suis un avocat. Bon, Monsieur Kamtar. Attends, j'ai rien à vous parler. Attends 5 minutes, il te repasse. Monsieur Kamtar. Ouais. T'es où, là? Ouais, j'ai dit qu'il y a autoroute, quand la con, je suis un avocat, mais tu as la bourre. Mais t'es où? Sur quelle autoroute? Tu es, je suis sur la 15. Mais pourquoi tu m'appelles? Ah bah si je t'appelle, mais peut-être que tu peux trouver un conseiller juridique, tu vois, un mec sur qui je vais cracher dessus, là, je vais rouler dessus avec mon caltar, hein, fou, me mettre dans le caltar, tu as le calabour. Non mais tu vas pas lui rouler dessus, attends, bah j'essaie de faire un truc à l'amiable, je... Et la parade, rien à foutre, moi, j'étais là, pourquoi tu m'emmerdes? Mais tu moi, vas pas lui... Je les juge. Tu vas pas lui cracher dessus, tu vas pas lui rouler dessus, c'est ça. Tu lui roules dessus, tu m'appelles Daniel Kamtar, de la MT comme ça, où il y a la bourre pour 3 tonnes. M'en fous, t'es un Kenya. Ouais, mais Kamtar, calme-toi, tu vas pas... T'as un ami, quoi, t'as un ami qui arrive. Quoi? T'as un ami qui arrive. Pour faire quoi? Il y a un autre ami avocat, et il vous fout pas baiser. Qui s'appelle comment? Ah, tu viens, t'as un pote à moi. Bon, Kamtar, on va y aller, nous. Ouais, bah, prends-moi dans 2 minutes, quand même, ton ami arrive, à des caméras. Oh, ok, à tout de suite, Kamtar. Qui est là? qui es-tu? Chewbacca, je suppose. Salut, non, c'est Gustave. Qu'est-ce que tu veux, Christophe? Non, Gustave, putain. Christophe, Christophe. Non, Gustave. Bédave. Non, putain, tu comprends rien. De toute façon, même mes parents, ils me comprennent pas. Putain, bon. J'en ai marre. Bon, qu'est-ce que tu veux? Putain, je voulais dire que j'avais des mauvaises notes aussi à l'école. Et alors? Donc je vais m'évader, quoi, tu vois. Ah ouais, non mais je vais m'évader. Je vais m'évader d'où? Parce que chez mes parents, c'est bidon, quoi. Ouais. Ouais, c'est parce que 4 Donc je vais m'évader de mon 300 mètres carrés, quoi, tu vois. Parce que c'est un peu trop petit. D'accord. Alors je vais prendre les seuls 20 000 euros que j'ai sur mon compte. En plus, j'ai que 15 ans. Bon. C'est trop la merde. Hey Gustave, je pense que tu dois vraiment un exorciste parce que tu es possédé en fait. Putain, tu vas poser tout. MC, c'est aussi, hein. Tu me possèdes. Bon. Des cons, des bâtards. Bon. Gustave, on va y aller, nous. Gustave. Gustave, on va t'aider. Ouais, mais putain, aide-moi. Gustave. Gustave. Bon, allez, casse-toi. Il est relou, celui-là. Qui est là? Ah, y'a, allô? Y'a, oui. Oui, oui, du bonsoir, oui. Bonsoir. Ah, oh, avec notre Peter. Il y a ma vie, je suis un petit peu, comment dire... Dans le retard, hein. Maintenant, moi je te l'ai et en fait on me dit de rester le porte, alors moi je suis le porte, mais on me pas me chercher, quoi. J'ai rien compris, Maître Peters. Bah oui, bah je suis là. Bon bah très bien. Bah oui, voilà, mais moi je viendrai avec le caravane comme ça. D'accord. Et alors, Michael, il me fait pas du rentrer pour le voir, alors je suis un peu dans le déceptionné. Hein. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Maître Peters? Peut-être tu pourrais venir m'ouvrir le porte. Ouais, ça je peux le faire, ouais. Mais c'est tout. Je suis devant le radio là, mais c'est fermé, alors forcément je suis coincé dans le dehors. Hein. Yeah. Bah écoute, j'arrive, Maître Peters. Ah oui. Je t'attends alors, hein, parce que en fait je suis garé avec le caravane dans le devant, donc c'est pour ça que en fait ce serait bien que tu viennes assez du vite, quoi. Hein, j'arrive, maître. Je bloque un petit peu le route, quoi. J'arrive. Oui. Mickaël, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr.